à la radio. Hey, Michael, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Michael à la radio. Michael à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Jamais en retard. C'est agréable. Oui. Mais tu as des amis vachement sympas. Ah, oui, dis donc. Oui. Merci à toi, Bruce. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça y est, le warm-up est terminé à 6h22. Bon réveil tout le monde. On est là en direct jusqu'à 9h30 pour démarrer cette nouvelle semaine. Cette nouvelle semaine qui va coûter de l'argent au boss de la radio, qu'on salue bien évidemment, hein, puisqu'on paiera vos factures aussi d'ici quelques instants. 63-22, dès maintenant, vous pouvez vous inscrire, débuter le message par facture, puis vous laisser le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et à 7h10 tout à l'heure, on vous appellera en direct quelqu'un au hasard pour lui rembourser intégralement sa facture. Voilà. Julie va bien, elle a passé un bon week-end. Ah oh oui, j'étais à Marielle. Ah, c'était génial. Ah, la Marielle, qu'est-ce qu'elle était belle. Mais il faisait froid. Voilà, tout est dit. Voilà, ça va. Oui, ça va, je suis un petit peu qu'est-ce fatiguée. Qu'est-ce qu'elle a bu. Qu'est-ce qu'elle a bu. Je n'en peux plus. Mais qu'est-ce que j'ai mangé surtout. Ouais. Oui, d'ailleurs, vous voyez, j'ai. Je ne sais pas comment te le dire, mais puisque tu tends la perche. Ouais, mais est-ce que tu as remarqué qu'elle a mis ce jeans bien moulant histoire de dire non, regarde, mais je rentre. J'ai mis un jeans noir, tu vois, histoire de mais faire. Ça amincit toujours le noir. Je suis rentré dedans. Tout va bien. Tout va bien. Non, voilà, très bien. Et vous, le petit week-end? Moi j'ai rien. Enfin si j'ai. Moi j'ai fait. Ouais si j'ai bossé un peu chez moi, mais il faisait tellement dégueulasse, c'était déprimant quoi. T'avais pas envie de sortir, c'est sûr. Là, franchement, 13 degrés hier, c'était dur. Ouais, je comprends. Moi j'ai pratiqué ma grande passion, j'ai fait du bricolage, j'ai mal partout, j'en peux plus. Ah ouais, bah ça voilà. En même temps, toi qui bricole, c'est un peu dangereux. Mais ouais. J'aimerais voir ça. Écoute, tu peux voir ça, c'est un grand moment dans ma vie. Ça doit être impressionnant. Ouais, ouais. Mais tu sais, je me réinstalle un peu chez mes parents, donc il fallait que je remette ça un peu, tu vois, d'équerre, donc voilà. Ah ok, d'accord. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et puis, ça y est, il y a plus de merde, je recommence. Il y a de plus en plus de monde sur les routes. Hein. Ça y est, c'est plié là. Ce matin, oui. Partant à la même heure que d'habitude. Il y a moins de travaux. Ouais, j'en parlerai pour mon infotrafic. Bah, très bien, ce sera d'ici un quart d'heure. D'ailleurs, si vous êtes témoin de quelque chose au niveau du trafic, radar, embouteillage, travaux, accident, 30-44, vous nous dites. Et bien évidemment, alors aujourd'hui, on a encore des places pour le parc Astérix à vous filer. On a aussi des jeux vidéo Harry Potter. C'est bien dit. Voilà, on aura ça à vous filer évidemment tout à l'heure. Et puis des jeux Sims 3 aussi, si mes souvenirs sont bons. Je vais regarder tout à l'heure sur mes fiches pour ne pas dire de bêtises. Ce sera à gagner tout à l'heure. Et puis on remet le couvert aussi avec l'euro million, puisqu'il y a 96 millions d'euros à gagner mardi. Ça n'a pas été gagné. Ça n'a pas été gagné. Donc c'est normal, si vous voulez... je n'ai pas joué. Voilà, donc, ouais, bah ouais, moi j'ai joué, j'ai rien gagné. Hein, j'ai zéro. Ça tout le temps. Moi j'ai zéro. Mais les auditeurs alors. Ah bah non, mais nous on a perdu tous, même la radio. Donc voilà, un drame. T'as tout pris dans ta poche. Non, si je pouvais, je serais pas là. Je te le dis direct. Donc on remettra le couvert tout à l'heure pour jouer avec nous. Mais avant ça, évidemment, c'est comme chaque matin maintenant, la petite devinette qui colle. La devinette qui colle, il y a des places pour le parc Astérix ou des jeux vidéo à gagner. Qu'est-ce qui est tout plissé avant, bien tendu pendant et humide après? Si vous avez, je crois que Julie a plein d'idées qui lui traversent la tête. Si vous avez son esprit mal tourné. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, pardon, débutez le message par rien du tout, vous mettez la réponse directement. 63-22, c'est 1€ par message et il y a des places pour le parc Astérix à gagner, vous y allez quand vous voulez. Et puis après aussi des jeux vidéo Harry Potter notamment, donc je répète la petite énigme qui colle. Qu'est-ce qui est tout plissé avant, bien tendu pendant et humide après? Voilà, bonne chance tout le monde. Franchement, Julie, t'es dégueulasse. Bonne chance tout le monde et puis on revient dans 3 minutes. Ce sera avec les infos, bougez pas de là. Michael, à la radio, Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Michael vous réveille sur Fun Radio. Mais oui, on est là tous les matins, 6h28. Bon réveil tout le monde si vous débarquez. C'est Michael à la radio avec tout à l'heure la ligne anti-relou et toujours la petite devinette qui colle. Donc, je la répète, je la retrouve. Je l'ai pas perdu, mais pas loin. Qu'est-ce qui est tout plissé avant, bien tendu pendant et humide après? Voilà, si vous avez la bonne réponse. On l'a utilisé souvent, trop souvent cet été. Alors que ce n'est pas le but normalement. Mais ah, bon, voilà, okay, voilà, disons qu'on aurait plus dû utiliser un truc contre le soleil en théorie. Mais enfin, bon, soit. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, c'est 1€ par message. J'ai des places pour le parc Astérix qui sont à gagner. Ou alors des jeux vidéo, notamment Harry Potter. Butter. Voilà, comme ça vous savez tout. La ligne anti-relou, je l'ai dit, c'est dans moins d'un quart d'heure. Et les infos, c'est maintenant à 6h29 avec Julie. Salut à tous. L'ouragan Irène a provoqué inondations et pluies torrentielles sur New York, mais la ville semble moins touchée que prévu. 370 000 personnes avaient été évacuées au préalable et près de 2 millions d'abonnés étaient privés d'électricité hier matin dans la capitale américaine Washington et dans les états environnants du Maryland, Virginie et Caroline du Nord. La tempête meurtrière a déjà fait 14 morts lors de son passage sur la côte Est. Et selon une étude du gouvernement américain, les États-Unis enregistrent, avec l'ouragan Irène, une année record en matière d'événements climatiques ayant causé au moins 1 milliard de dollars de dégâts. 10 touristes ont été légèrement blessés hier par une explosion survenue sur une plage au sud de la Turquie. De nombreux Norvégiens figurent parmi les victimes. L'explosion s'est produite à Kemer, dans la province d'Antalya. Plusieurs personnes ont dû être hospitalisées. Des centaines de vacanciers paniqués ont fui la plage après l'explosion dont l'origine n'est pas encore connue. Et puis, pour revenir par rapport à New York, les trois aéroports fermés à cause de la tempête rouvriront au mieux ce soir. Un Belge perd la vie au pays dans une compétition de sidecar cross. La compétition se déroulait sur le terrain de motocross de la ville d'Oss, au centre du pays. La victime de 39 ans conduisait le sidecar qui s'est retourné pour une raison encore indéterminée. Son coéquipier a été gravement blessé dans l'accident. Il est tombé sur un os. Voilà. Merci, Taf. Chez nous, un homme de 53 ans a tué par balle son épouse de 50 ans hier après-midi à leur domicile conjugal de Plombières, c'est en province de Liège. C'est l'un des fils de la victime qui a averti la police. À leur arrivée, les policiers ont appréhendé le tireur qui n'a pas opposé de résistance. Les raisons de cet acte ne sont pas encore connues. Le couple était marié depuis une trentaine d'années. En sport, Anderlecht a sauvé un point in extremis grâce à un but de Jovanovic et termine sur un partout. Face à Bruges, et le Standard et Berscott se sont aussi séparés sur un nul, un partout. En Formule 1, c'est le pilote allemand Sébastien Vettel qui a remporté le Grand Prix de Belgique, 12e manche de la saison disputée sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le Belge D'Ambrosio a terminé 17e. 6h31 et la météo maintenant, même si elle n'est pas très très bonne pour aujourd'hui encore, mais bon. Ah non, j'ai pas franchement des bonnes nouvelles encore à vous annoncer. Des courants frais et légèrement instables circuleront sur le pays. Donc ça veut dire alternance de passages nuageux et quand même d'éclaircies. Quelques pluies sont possibles et les températures sont assez fraîches jusqu'à 18 degrés. Et demain, ben, même temps à prévoir. Ah bon, c'est marrant parce que Sabrina Jacobs a dit hier, l'inverse, a dit oui, demain ça ira mieux. Bon, il y aura encore des passages nuageux, mais ça ira mieux. Par contre, à partir de mardi, c'est génial. Hein, non, ça va faire le mercredi qu'on retrouve. Ah bah, elle était peut-être un et petit peu trop optimiste. Degrés. Oui, alors il paraît, oui. C'est paraît. Tellement instable que ça change. Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est pour l'instant, c'est tendu. Bon, la fois en plus sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. C'est à 6h32. Je voulais vous parler d'un implant. Ah, un implant quoi? Alors, c'est un implant pour être bronzé pendant 3 mois et sans risque de cancer. Oui, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, mais dans 6 ans. Bah écoute, ah, mais on s'est trompé. Bah, c'est malin. Oui, effectivement, il n'est pas encore commercialisé parce qu'il n'y a pas encore assez de recul. Mais donc voilà, donc, c'est des scientifiques qui ont développé cet implant pour s'assurer pendant 3 mois un teint bronzé sans risque de cancer de la peau. Il stimule la production de mélanine. C'est justement ce pigment déterminant la couleur de la peau et le degré de rayon UV qu'elle est capable de supporter. D'accord. Donc il est la taille d'un grain de riz et il est placé sous la peau. Mais il n'est pas encore commercialisé, comme je le disais, parce qu'il n'y a pas encore assez de recul au niveau des études. Bah c'est ça, voilà. Oui, parce que le mec il a inventé. Mais oui, mais c'est pas cancérigène. Il va pas dire oui. Bon, par contre, il y a eu 8 morts, mais bon, voilà. Bon, c'est pas très bien de quoi, mais enfin, c'est pas très grave. L'info en plus et l'info tout court reviendront tout à l'heure à partir de 7h, donc restez bien là. Et puis toujours la petite devinette qui colle là. Qu'est-ce qui est tout plissé avant, bien tendu pendant et humide après? J'ai donné pas mal d'indices. On arrive quand même encore à proposer un préservatif. On propose également un mirliton. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme réponse est arrivée? Bon, ça va, le reste, ce sont des bonnes réponses, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On fera un tirage au sort dans un instant. Si vous avez la bonne réponse, 63,22 par SMS, c'est 1€ par message pour gagner des places pour le parc Astérix, par exemple. Qu'est-ce qui est tout plissé avant, bien tendu pendant et humide après? Et bien entendu, vous aurez deviné que Julie avait évidemment la mauvaise réponse. Ça tombe sur le sens. Allez, on s'envoie. Je recommence. Allez, on s'envoie à 6h33. Le son de Shakira et Pitbull maintenant. C'est Rabiosa sur Fun. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Mais oui, on est là, 6h36. Bon réveil tout le monde. Et la réponse à la question, à la devinette qui colle, qui était la suivante. Donc qu'est-ce qui est tout plissé avant, bien tendu pendant et humide après, pour repartir avec entre autres des places pour le parc Astérix. 63-22 avec la bonne réponse. On donne la réponse. Ce n'est pas un kawé. Hein. On vient d'envoyer cette réponse. Ah, c'est pas loin. C'est vrai que ce n'est pas loin, mais c'est vrai, mais ce n'est pas ça. Donc si vous avez la bonne réponse, 63-22, la bonne réponse, c'est juste après les infos, on va dire people, oui, parce qu'on écoutait Shakira et apparemment Shakira est classée 3e dans un classement qui déchire. C'est les 10 filles les plus populaires sur Facebook. Eh ouais, Julie est dedans, évidemment. Ah bah écoute, je me suis cherchée, mais je ne me suis malheureusement pas trouvée. Pourtant, j'aurais misé deuxième ou première. Ah oui, mais moi aussi, carrément, mais rien du tout. Et il faut quand même savoir, sur sa photo de Facebook, elle est quand même nue. Hein, donc bon, forcément, ça aide à tomber dessus. Quoi. En plus. Je pense que tu t'es trompée de Julie Denayer, mais ça c'est... C'est pas Julie XXX autre... Ah non, un autre débat. Ah bah écoute, oui, j'ai dû me tromper. Je vais quand même rester sur Julie XXX. Ah bah écoute, oui, je pense que ce sera plus intéressant, ça c'est sûr. Oui, c'est clair. Oui. Alors, devinez un petit peu qui est la fameuse première de ce classement. Bon, c'est une chanteuse parce qu'elles sont quasiment toutes des chanteuses dans ce classement. La première du classement. Ouais, les filles les plus populaires sur Facebook, donc elle a le plus de fans. Forcément. Britney Spears. Non. Lady Gaga. On l'écoute souvent le matin. Elle est. Lady Gaga. Elle est pas mal. Non, ah bah justement, elle détrône Lady Gaga qui est deuxième. Katy Perry. C'est Rihanna. Rihanna, parce que Julie elle est Rihanna, donc elle est première. Lady Gaga, elle a détrôné Lady Gaga, donc elle est première avec 44 millions de fans. D'accord. Lady Gaga la talonne avec 42 millions de fans. Et donc Shakira est troisième, Katy Perry 4e et Megan Fox est 5e, qui est la seule qui n'est pas chanteuse dans ce classement. Ouais. Suivie bon. De Beyoncé, Avril Lavigne, Taylor Swift, Selena Gomez et Miley Cyrus. Ouais, mais c'est la seule qui est bonne. Oui. Ah, peut-être, oui. Après, il faut voir. Non, mais ça va, après, ils sont pas mal. Hein. Ah, non, c'est tout. Rihanna, elle est jolie. Ouais, mais enfin, entre Lady Gaga et. Ah, oui, non, Lady Gaga, elle est pas belle. Hein. C'est la seule qui est pas terrible. Fox, là-dedans. Je préfère avec Fox, Avril Lavigne, qui est pas non plus. Bah, en même temps, elle se la ramène pas, Lady Gaga. Hein. Elle se dit pas qu'elle est bonasse. Hein. Non. Ah, non, ça, c'est sûr. Non, ouais, mais, pas trop bonasse. Moi, je parlais de mon plaisir personnel. Ah, oui, non, mais voilà, après, tu fais comme tu veux, évidemment. Bon, bah, je vais poster au mur dans ma chambre. Oui, oui, oui. Tiens, dites-nous si vous êtes fan de Star, vous, sur Facebook, là, qui vous a mis. Julie a mis quoi? Ah, Brad Pitt! Pas du tout. Ah bah non, elle m'a mis moi, je suis bête. Ah oui. Non mais vraiment pas. Brad Pitt, j'ai jamais trouvé ce mec incroyable. Vraiment quoi. Ah non, je trouve pas du tout qu'il est. Pourtant il a un incroyable compte en banque. Hein. Ah oui mais ça c'est d'accord, ouais. Très bien, mais moi ce type ne m'a jamais intéressé. Par contre Angelina Jolie, moi je le trouverais incroyable au niveau du compte en banque, au niveau de tout. Hein. Oui, elle c'est. Oui, c'est elle porte bien son nom quoi. Un voilà. Petit peu championne du monde. Ouais, elle porte bien son nom. Ouais. Allez, on donne la réponse maintenant. Là, il y a devinette qui colle. Qui est avec nous pour la devinette qui colle? Bonjour. Salut Damien. Comment vas-tu Damien? Eh ben tant mieux, sois le bienvenu Damien. Alors, dame, t'appelles d'où? T'es dans quelle ville? T'as quel âge? Dis-nous tout. J'appelle de Charleroi, ici je vais vers Namur et j'ai 27 ans. Bon, très bien, comment ça se passe sur la route là? Ça va, c'est pas trop le bordel encore? Ça roule. Bon, bah c'est le principal. Bon, alors, ouais. Dame, la réponse est la devinette qui colle, je répète. Qu'est-ce qui est tout plissé avant, bien tendu pendant et humide après? Un parapluie. Et oui, évidemment, ce n'était pas un sexe, un gros sexe, Julie, hein, parce que c'est ce qu'elle avait donné comme réponse. Hein. Arrête de prendre tes désirs pour des réalités. Moi, je mens là. Non. Ah bon, moi, j'avais pensé à ma grand-mère, mais c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Elle est plissée à la fin. Ouais, merci Toff. Ok. Bon, Damien, bravo à toi. En tout cas, tu restes au standard. On va prendre tes coordonnées. On va te filer, bah, comme promis, soit les places pour le parc Astérix, soit le jeu vidéo Harry Potter. C'est toi qui vas gérer ça. Bon courage pour le travail, Damien. Merci, c'est gentil. Salut, ciao toi aussi. Et puis restez bien là puisque dans un instant, les Black Eyed Peas vont débarquer sur Fun Radio. Avec Don't Stop the Party. Restez bien là, il est 6h40. Et on est de retour sur Fun Radio à 6h43 avec l'infotrafic. Qu'est-ce qui se passe sur les routes, Julie? Alors, il y a un accident sur la N5, Rocroix, Couvin, Philippeville, Charleroy, Bruxelles, à hauteur de l'Overval. Fait le tour de Belgique ou quoi? À hauteur de l'Overval, donc c'est en direction de Charleroi. La chaussée est fermée entre les kilomètres 55 et le kilomètre 54. Une déviation a été mise en place. Par contre, j'ai quand même une bonne nouvelle concernant les travaux sur le ring extérieur de Bruxelles, entre Waterloo et Huître. Ils sont finis. C'est pas vrai! Et les travaux à hauteur du viaduc de Villevorde sont presque terminés. Et ouais, ça c'est le week-end prochain, je crois. Ils travaillent encore de nuit, je pense. Ouais, et puis, ouais. Et puis basta quoi. Bon, c'est bah la bonne nouvelle. Bon, si vous êtes témoin d'un problème sur la route 3044, vous nous dites pareil pour les flashs, comme ça on prévient tous les auditeurs de Fun. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Oui, on essaye. En tout cas, le week-end a été très intense au niveau des relous, puisque vous avez été nombreux à laisser des messages au 0473 86 0013. C'est le numéro de la ligne anti-relou et c'est bien parce qu'il marche de mieux en mieux, le numéro de la ligne anti-relou. Vous êtes nombreux, les filles, les filles, à donner ce numéro à tous les relous de Belgique et c'est une bonne chose. Écoutons d'ailleurs notre premier invité de ce matin. Bonjour, c'est Nicolas. Et pour ce soir, c'est OK. Si tu veux, on se retrouve chez Thibono. Et il a tous les accessoires. T'inquiète pas, il a tout ce qu'il faut. Allez, à plus. Qu'est-ce qu'il va faire avec tous les accessoires? Il va faire quoi avec tous les accessoires? Oui, c'est un peu perturbant. Bon, bah très bien. Lui, il a l'air bien aussi. Oui, t'inquiète. Il a tout les accessoires. On va se retrouver chez Bruno. Il a tous les accessoires. Il a un petit dîner et qu'il a, il a les casseroles et il a tout ce qu'il faut. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bah oui. Il n'y a pas de problème. Allez, deuxième invité de ce matin. Salut Robert. Ben écoute, je voulais juste que tu poses une petite voix sur la photo de profil que tu viens de voir. Et à de suite. Je voulais que tu poses une petite voix sur la photo de profil que tu viens de voir. Donc tu vois, il n'y a pas de problème. Tu as vu, je suis beau, grand, fort. Et j'ai une très grosse et voix. Et je t'attends, il n'y a pas de problème. Bon, allez, troisième invité de ce matin. Salut, ça va? Ouais. Je voudrais savoir si c'est toi qui, avec qui j'avais rendez-vous en fait aujourd'hui. voilà. Rappelle-moi si tu peux. Il est con lui. Alors là c'est pas mal quand même. C'est toi ou c'est l'autre? Oui, parce que je me souviens plus. Est-ce que c'est Thérèse, Joséphine, Sophie? Oh là là, je sais plus. Hein, est-ce qu'on se connaît vraiment? Oui, bah à vrai dire j'ai des doutes. Bon bah très bien, c'était les voilà les messages de la ligne anti-relou. Il y en aura d'autres évidemment tout à l'heure, donc restez bien là, ce sera bah, comme chaque matin, 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vous rappelle aussi qu'on vous paiera vos factures, ce sera dans un peu plus de 20 minutes, juste après les infos de Julie. Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, allez-y, 63,22, 1€. Par message, débuté par facture, vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Alors par exemple là il y a facture d'achat d'une paire de chaussures pour l'hiver, on n'a pas le montant malheureusement. 519€ pour ces voleurs d'Electrabel. Oui bah il y a un moment c'est que t'as dû consommer hein. Oui, c'est sûr. 500€ de Belgacom impayé. Ah bah oui. 216€ pour Belgacom, 108€ de téléphone, facture de clôture 402€, je sais pas de quoi mais bon. Qu'est-ce qu'il y a aussi, 283€ le cadastre, 1100€, 67,38€ pour des jouets pour mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a aussi, 484€, il s'agit d'essais de sol, je sais pas quoi. 144€ aussi, 3000€ pour un souci de logement. Ah oui, c'est un beau souci de logement. Hein. Oui, bah, c'est ça, il faut payer le crédit maintenant. Hein. Ah oui, là oui. Bon, 63,22€ pour les inscriptions, donc allez-y. Et c'est 1€ par message, débuté par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et puis la petite question qui colle maintenant, combien de fois un automobiliste roumain s'est-il fait flasher en 9 mois sur les routes belges? Voilà, si vous avez la bonne réponse. Là aussi, 63,22€, vous donnez la bonne réponse. Et pareil, il y aura des places pour le parc Astérix. Il y aura aussi des jeux vidéo Sims 3 ou encore Harry Potter. Voilà, comme ça vous savez tout. Bonne chance tout le monde, je répète la question. Combien de fois un automobiliste roumain s'est-il fait flasher en 9 mois sur les routes belges? Si je vous pose la question, c'est qu'il s'est pas fait flasher. Il s'est pas fait flasher une ou deux fois. Hein. Voilà, non, on imagine que c'est quand même assez. C'est à peu près important. Pareil. C'est à peu près pareil que Julie. Oui, il faut savoir, c'est une chauffarde. Je me suis fait flasher une fois dans C'est un chauffard, Julie. Hein. Quand on la voit arriver à la radio, on l'entend des pneus grincer. Je me gare au frein à main. Ah bah bien sûr. Direct. C'est beaucoup plus pratique. Allez, les Black Eyed Peas, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Les Black Eyed Peas, Don't Stop the Party. Il est 6h48. Le son des Black Eyed Peas à l'instant sur Fun Radio, Don't Stop the Party. Bonjour tout le monde et bon réveil. Si jamais vous venez de débarquer, c'est Mickaël à la radio. Il est 6h51 et je vous rappelle la petite question qui colle. Combien de fois un automobiliste roumain s'est-il fait flasher en 9 mois sur les routes belges? On proposait 17 fois. Non, oh là là, c'est bien bien plus. Il a une Mercedes et en 9 mois, il s'est fait flasher plus de 100 fois. Comme ça, ça vous donne un indice. Plus de 100 fois, donc si vous voulez... excessif effectivement. Si vous avez en tout cas la bonne réponse, 63,22, vous envoyez votre réponse et puis bah nous après on vous rappellera en direct pour tenter de vous offrir des places pour le parc Astérix ou encore même des jeux vidéo. Il y a les Sims 3, il y a également Harry Potter, le nouveau jeu, donc on aura l'occasion de vous filer ça tout à l'heure. 63,22 si vous avez la bonne réponse. Ce matin on va chez qui, Toff? J'ai décidé d'aller dans une maison de retraite. Oh non, tu vas pas faire chier les petits vieux à cette heure là quand même. Non, je vais essayer de me faire prêter une petite vieille. Oui, bon, parce qu'en fait voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec une petite vieille? Qu'est-ce que tu veux faire avec mamie? Bah en fait non, voilà, je voulais faire croire à ma maîtresse que en fait c'est ma mère. Ouais, parce qu'en fait je trompe ma femme depuis 2 ans et donc voilà, ma maîtresse va absolument faire la connaissance de mes parents, donc faut bien non, que je présente quelqu'un. Ça c'était pas. Bah attends, je suis sûr que ça lui ferait plaisir. Attends, cette petite vieille, je vais la sortir un peu, je vais la promener. Ouais. Bon, je cautionne pas. Bon, Julie cautionne, mais pas moi. Ah. Bon, allez, c'est un monstre. Allez, ouais, ouais, ouais. C'est bon, on appelle. En plus, à côté de la radio, comme ça, je pourrais aller la chercher tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, c'est parti, on y va. On appelle à Bruxelles maintenant. Allez, hop, là, ça marche pas. Ça fonctionne. Voilà, très bien. Allô, oui. Oui, allô, bonjour. Je suis bien à la maison de retraite? Oui, c'est dans la maison de retraite de Seigneur Flatter, c'est l'infirmière de nuit qui répond. Oui, voilà. En fait, voilà, monsieur, j'avais une petite question. En fait, ça va bientôt faire 2 ans que je trompe ma femme. Et donc, ma nouvelle copine, ça fait 2 ans, hein, elle aimerait bien rencontrer ma mère. Mais vous comprenez, je ne peux pas lui présenter ma vraie mère, puisque ma vraie mère pense que je suis avec ma vraie femme. Et donc, en fait, j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me prêter quelqu'un de votre résidence pour une après-midi. Monsieur. Oui. Vous rigolez? Ben, non, je me mets pas dans les questions de comme ça. C'est pas éthique, c'est pas moral. Non, mais bon, vous avez bien. En fait, il me faudrait une petite vieille qui aurait Alzheimer. Ce serait parfait. Si vous aviez ça, parce que. Monsieur. Oui. Mon boulot, c'est des infirmières. Oui. C'est contre ma éthique de perturber les personnes. Si vous voulez quelque non, mais, chose. Non, mais attendez, je serais très gentil. Moi, si vous voulez, je viens la chercher. Non, monsieur. Je l'emmène faire un tour. Ne pas mélanger les choses. Des questions comme ça, c'est pas question morale et de téléphoner comme ça. Ici, moi, je sais pas avec qui parle, c'est pas normal. Chez nous, les téléphones sont enregistrés, je peux pas parler des questions comme ça. Ah, mais donc si je viens, on peut non, s'arranger. Non, pas de discussion. Bah, vous me dites que c'est parce que c'est enregistré, alors moi, je veux non, bien venir monsieur, que chez monsieur, vous. Oui. C'est une question qui est en contradiction avec notre déontologie professionnelle. Bon, mais enfin, c'est-à-dire que. Désolé. Moi, je. Et ici, j'arrête la conversation. Ah, il est parti, effectivement. Ah, mais écoute. Voilà quelqu'un qui est. C'est bien, et juste. Franchement, c'est bien, parce que t'as pas parlé d'argent, mais je ne m'abuse, hein, si je vaguement. Ah, des sous-entendus, ouais. Oui. Ouais, bon. Des petits sous-entendus, quoi, voilà, c'est ouais. Ça. Bon, en tout cas, c'est bien. Au moins, lui, il dormira tranquille ce soir, quoi. Ouais, tu c'est vois bizarre, il y a des gens. Je pense qu'il va dormir dans pas longtemps, là. Mais comment est-ce qu'on peut. Julie, je vais peut-être m'expliquer. Comment on peut avoir des idées aussi tordues que de dire, tiens, je vais appeler des maisons de retraite pour voir si je peux avoir une grand-mère à prêter. Ah, mais moi, je ne cherche plus à comprendre, Tof, hein. Ça, c'est terminé. Pourtant, ça fait 3 semaines que tu nous côtoies. Mais voilà, mais j'ai vite compris. Ouais, bah, qu'est-ce voilà, que tu as compris ouais. Mais que tu étais. Pervers et complètement allumé. On est bien d'accord. Toi-même Oui, voilà, c'est ça. On a ta propre personnalité. Tu as tout dit. Bon, dans un instant, on va donner la réponse à la question qui colle, que je rappelle un petit coup là. Combien de fois un automobiliste roumain s'est-il fait flasher en 9 mois sur les routes belges? La bonne réponse, 63-22. On proposait 138 fois. Non, c'est un petit peu moins. Il a une Mercedes, mais il s'est fait plaisir. 39 fois, c'est plus. J'avais dit que c'était plus de 100 fois. Et donc là, bah, moins que 138 fois, même si on est plutôt vers les 138. Hein, 118 de Sébastien, là, c'est la mauvaise réponse. Il y a des jeux vidéo, Harry Potter à gagner, Sims 3 ou encore des places pour aller direction le parc Astérix gratos. Et au niveau du son, c'est Kelly Rowland qu'on écoute maintenant. Motivation. Yeah. Kelly Rowland à l'instant sur Fun Radio avec Motivation. Cette motivation que vous n'avez certainement pas en ce moment. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer ça quand vient même. Tout doucement. Mais oui, bien sûr. Mickaël à la radio avec le Roumain, il s'est fait flasher combien de fois en 9 mois? La réponse dans un instant. On proposait 100 fois, c'est plus, 129, c'est plus, 138, c'est moins. Voilà, je peux vous donner un peu plus d'indices, mais bon, il y a des places à gagner pour aller au parc Astérix. 63-22 pour les inscriptions. Dans un instant, les infos, mais avant cela. C'est ce qui va arriver juste après les infos, Sac Noël. Avec Loca People sur Fun Radio. Et à 6h59, on fait un tour du côté des news maintenant avec Julie. Salut à tous. On rigole comme ça là. Parce que je suis heureuse d'être ici parmi vous. Bah oui, j'ai eu un mariage ce week-end. Enfin bon. Attends. Bon, l'ouragan Irène a provoqué inondations et pluies torrentielles à New York, mais la ville semble moins touchée que prévu. Il faut dire que 370 000 personnes avaient été évacuées au préalable. Près de 2 millions d'abonnés étaient privés d'électricité quand même dimanche matin, dans la capitale américaine Washington, dans les états environnants du Maryland, Virginie et Caroline du Nord. La tempête meurtrière a quand même fait 14 morts lors de son passage sur la au test. Les trois aéroports de New York fermés à cause de la tempête rouvriront au mieux ce soir. Et selon une étude du gouvernement américain, les États-Unis enregistrent avec cet ouragan une année record en matière d'événements climatiques ayant causé au moins $1 milliard de dégâts. Et 10 touristes ont été légèrement blessés hier par une explosion survenue sur une plage au sud de la Turquie. De nombreux Norvégiens figurent parmi les victimes. L'explosion s'est produite à Kemer, dans la province d'Antalya. Plusieurs personnes ont dû être hospitalisées. Des centaines de vacanciers paniqués ont fui la plage après l'explosion, dont l'origine n'est pas encore connue. Un Belge perd la vie aux Pays-Bas dans une compétition de sidecar cross. La compétition se déroulait sur le terrain de motocross de la ville d'Oss, au centre du pays. La victime de 39 ans conduisait le sidecar qui s'est retourné pour une raison encore indéterminée. Son coéquipier a été grièvement blessé dans l'accident. Chez nous, un homme de 53 ans a tué par balle son épouse de 50 ans hier après-midi à leur domicile conjugal de Plombières, c'est en province de Liège. C'est l'un des fils de la victime qui a averti la police. À leur arrivée, les policiers ont appréhendé le tireur qui n'a opposé aucune résistance. Les raisons de cet acte n'ont pas encore été déterminées. Le couple était marié depuis une trentaine d'années. Mais on peut dire qu'il l'a plombière. Voilà. Allez, merci, Toff. Dans l'affaire des enfants retrouvés morts vendredi à Alost, le parquet de Termonde a ouvert une enquête sur d'éventuelles fautes policières. La veille du jour où l'on a découvert les deux enfants âgés de 7 et 8 ans battus à mort, 6 agents s'étaient rendus sur les lieux suite à des plaintes pour tapage nocturne. Sur le temps que les policiers étaient sur place, ils disent n'avoir rien constaté de dangereux et n'ont pas voulu rentrer dans l'habitation. La mère des deux enfants, une Irlandaise de 30 ans née en Angola, avait été inculpée de double infanticide et incarcérée à la prison de Bruges. 7h02, les infos maintenant, et l'info en plus arrivera juste après. Des courants d'air frais et légèrement instables circuleront sur la Belgique, ça fait plaisir. Alternance cool. D'éclaircies et de passages nuageux. Mais c'est normal, on est quand même encore en août. Hein. Bah oui, quelques bon, pluies sont possibles aussi. Et puis température jusqu'à 18 degrés, demain même temps après. C'est voir. Génial. L'info en plus, elle arrive par contre dans 20 secondes, restez bien là. Fun Radio. Fun Radio. 7h03 sur Fun Radio, bon réveil dans un instant, on paye vos factures. 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. On vous appelle dans moins de 5 minutes maintenant pour vous rembourser cash votre facture. Ce sera après le son de Sac Noël et après aussi l'info en plus. Alors, bonne nouvelle pour tous ceux qui ont la flemme de se brosser les dents. Maintenant, il y a une nouveauté qui s'appelle les Tifrice et ce sont des petites pastilles à l'effet moussant qui vous nettoient les dents. Donc, plus besoin de prendre sa brosse à dents. Mais et... ça les nettoie ou c'est juste la bonne haleine? Ça nettoie les dents. Hein. C'est composé de bicarbonate de soude et donc ces pastilles magiques ont le pouvoir de dissoudre l'amas de bactéries qui se déposent petit à petit sur nos dents. Bon, le problème, c'est qu'après 2 ans, évidemment, tu perds tes dents. Voilà, c'est l'inconvénient. Mais bon, ils sont propres. Mais au moins pendant 2 ans, tu n'as pas t'emmerder avec la brosse à dents. Tu vois, c'est ça qui est assez positif. Exactement. D'accord. Bon, mais c'est bien. Toujours avec l'info en plus de Julie, il est chier. Voilà. Mais quoi, attends, le nombre de personnes, ça les fait chier de se brosser les dents. Oui, mais ça emmerde également ceux qui côtoient ces personnes. Oui, ça, c'est justement, c'est pour ça que je balance l'info pour sauver le monde aussi. Voilà, c'est bien. J'ai la mauvaise haleine. C'est bien. C'est gentil, tu es trop bonne. Mais oui, mais Julie, mais bien sûr. Le monde te remerciera. Mais tout à fait. On aura l'horoscope de Doudou dans un instant. Et les factures qu'on va rembourser juste après Sac Noël. Pour vous inscrire, je vous le répète une fois de plus, 63-22, débutez le message par facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture, car chez nous on rembourse 3 fois par jour. 7h10, 8h10 et 9h10. Ça arrive après Loca People sur Fun Radio. Bon réveil. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Sac Noël à l'instant sur Fun Radio à 7h08. C'était... Bah, ils auraient dû l'appeler What the Fuck à la place de Loca People. Mais enfin bon, peut-être que ça passait moins bien aux États-Unis, quoi. À mon avis. What the fuck. Voilà, et on paye vos factures maintenant. Tous les matins. C'est parti. Mais oui, c'est tous les matins. C'est comme ça que ça se passe à 7h08. Ce matin, c'est tous les matins à 7h10, 8h10 et 9h10. Vous êtes nombreux à vous inscrire au 63-22. Débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Il y en a pas mal qui sont arrivés là. 195€ pour une superbe paire de bottes. Ah oui, elle est belle. Hein. Envoyez-nous des photos qu'on voit si ça vaut la peine de rembourser. À 200 boules, elle est belle. Hein. Ça, c'est clair. 165€ pour une inscription à des cours. 900€ pour l'assurance vie. 820€ pour le cadastre. 225€ pour un hôtel en Espagne. Demande en mariage. Mais il faut pas qu'on te paye ça. Oh, que ça reste trop un souvenir. Ah, ça, on s'attendait, tiens. 59€ pour une paire de chaussures pour ma fille. Attends, il y a quoi aussi? Où est-ce qu'il est? 3000€, c'est à Rhône pour l'électricité. Ah oui, il a mis le montant. Le numéro maintenant. Que vous avez appelé est incorrect. Non, on va le refaire, On n'est pas à l'abri que ce soit une erreur de taf, hein, mon avis. Hein. Bah, enfin, normalement, je suppose. Oui, parce que normalement, les numéros sont bons. Ah bah oui, puisqu'elle a envoyé un petit message, évidemment, évidemment. Bon, très bien. Et puis, on donnera la réponse aussi à la question qui colle dans un petit instant aussi. Voilà. Ah, une petite message, un petit message qui vient d'arriver. Réparation de la voiture, 250€. D'accord. Ah voilà, bah voilà, maintenant ça sonne. On aura quand même été bien enfoiré en disant ah bah dommage. Et allô. Oui, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Sédomi. Sédomi. D'accord, c'est demi, très bien. C'est demi. Oh là là. Tu fais ça le matin, toi. J'étais sûr qu'il allait sauter sur l'occasion. Oh bah, s'il pouvait faire mieux encore. Ah bah, tu as si quel âge? J'avais pu sauter dans l'occasion. Calme-toi, tu as 25 ans. 25 ans, c'est demi, tu es dans quelle ville? Alors, je suis de Bruxelles. Et de tu Bruxelles. Es célibataire? Oui. Et tu fais quoi à 9h30? Le travail. 10h moins le quart. Excuse-moi, je t'entends super mal. Ah bah, tiens. Ah oui, j'ai demandé ce que tu faisais vers 9h30, 10h moins le quart. Je travaille à la banque. Ah, ah en oui, plus, bah, ça m'intéresse pas alors. Hein, j'ai besoin d'un crédit, je vais venir chez toi. Ouais. tu feras un bon prix. Bon, c'est demi. En plus, je travaille à la banque et tu vas nous gratter de l'argent. C'est une bonne idée. On peut envisager ça comme ça, oui. D'accord, très bien. Bon, c'est demi. Tu voulais qu'on te rembourse une facture de combien? Alors, moi j'avais une facture de 68€ et des poussières. Attends, je dois vérifier. Ouais, laisse tomber les poussières. Ouais, laisse tomber les poussières. C'est ça. T'inquiète pas, on va arrondir à 50, hein. On n'est pas comme ça chez Fun. Hein. Non, hors de question. Et c'est pour rembourser quoi? Alors, c'est des jouets de mon chien. En fait, mon chien est une destruction. C'est une arme de destruction massive. Ils ont détruit tout, donc je lui ai acheté des jouets. J'en ai eu pour une petite fortune. Donc, c'est pas voilà. Donné. Hein. Ah ouais. Alors, les jouets pour chien, c'est. Non, vrai. Pour rembourser la facture du chien, sans déconner quoi. Alors que t'aurais pu lui ramener des bulletins de virement et enfin, ça leur a fait. Hein. Comme quoi, vous voyez qu'on tire au sort. Hein. C'est le pif au maître. Hein. Bon, et eh ben écoute, c'est demi. Y a pas de problème. Je te renvoie chez Toff au standard qui sera un plaisir de te reprendre en antenne. Mais oui. Voilà. Et pas de antenne si tu veux. Un tout grand merci. Je t'en prie. Gros bisous, c'est dos. À bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Oh, j'aimerais bien avoir une copine dans mon entourage qui s'appelle. Quel nombre de vannes qu'on peut faire. Ouais. Ah, il a tellement qui fuse dans ma tête, mais bon, il est tôt là. Oui, donc oui. Voilà. Oui. Bon, 7h11 sur Fun Radio. Et on va prendre qui maintenant aussi là. On enchaîne avec la question, la réponse à la question qui colle. Bonjour, qui est là? Nadia. Nadia, bonjour Nadia. Bonjour. Comment vas-tu, Nadia? Bien, oui. Tu vois, avec Nadia, on peut faire beaucoup moins de vannes, évidemment. Hein. Enfin, c'est joli quand même, hein, et pas de problème. Bon, Nadia, t'as quel âge? T'es dans quelle ville? 42 ans, je vais les avoir samedi. Et tu vas les avoir samedi, bah, bon anniversaire. J'habite, Namur. Namur, très bien. Ah, les gens nous écoutent à Namur, ça nous fait plaisir quand même. La semaine dernière, on était un peu inquiets, mais non, ça va mieux. Bon, je répète la question, un Roumain de 28 ans a été flashé en Belgique à 136 reprises avec sa Merco. Et oui. Bah, je vais te donner la réponse. Donc, et 136, combien de fois est-ce qu'il a été flashé, dis donc? Mais non, mais elle avait la bonne réponse, c'est moi qui me suis trompé quand j'ai énoncé, je croyais que c'était la question, en fait c'est la réponse. Bon bref, donc 136 fois, voilà, il a été flashé. Hein. Record qui semble imbattable et pourtant véridique, c'est un mec, donc 136 fois. Et c'est vers l'avenir. Non, c'est l'avenir.net qui donne l'information. Voiture immatriculée en Roumanie. Et il n'avait jamais été inquiété par la police. Donc, voilà, les autorités roumaines n'ont jamais voulu fournir les informations à la Belgique. Et à la 136e infraction, ils se sont dit bon, allez, on va quand même donner. On va quand même vous filer un ça coup. Ça commence de main. À faire beaucoup, hein, les gars. On n'est pas des cons quand même. Hein. Bon, bah, bravo Nadia, je te renvoie chez Toff au standard. On va prendre tes coordonnées et t'envoyer ton cadeau rapidos. Ok? Merci. Je te fais des bisous, à bientôt. Merci, bisous. Salut, salut. Et dans un instant sur Fun Radio, Lucenzo arrive. Avec Danza Kuduro sur Fun Radio, restez bien là, c'est Fun Radio et Mokel à la radio jusqu'à 9h30. Je vais y arriver. Je suis contente parce que j'ai pas fouillé sur un mot. Elle est contente. Elle est contente. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. 7h14, bon réveil tout le monde. Dans un instant, c'est l'horoscope. Et puis là, c'est Lucenzo et Donamar, Danza Kuduro sur Fun. Et si vous aimez ce style de musique, Rancard tous les vendredis soirs, minuit, 1h avec Manu, c'est l'Invasion Latina sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et à 7h17, c'est l'heure de retrouver l'horoscope maintenant avec Doudou. Comment ça s'est passé votre week-end à Ostende alors, Doudou? Ah ben vous m'aviez pas prévenu. pourquoi on vous a pas prévenu, c'est-à-dire ? Bah, que c'était dans un autre pays, Ostende. Bah, c'est en Belgique, Ostende, je comprends pas. Ah bon ? Bah, il devait y avoir beaucoup de touristes alors, hein, parce que y a presque personne qui parle français là-bas. Oui, c'est normal, enfin, je vous expliquerai, Doudou. Bon, c'est pas grave. Bon, les béliers, Doudou. Oui, alors, ne vous laissez pas déstabiliser, hein, vous savez vous adapter au changement professionnel. Ah bah, très bien, les taureaux. Alors, c'est une bonne journée pour vous laisser aller. Ne faites rien, c'est mieux. Ouais, oui. Les Gémeaux. Un stupide malentendu n'est pas éclairci et pourrait vous gâcher toute la journée. Les Cancers. Ah, et quelque chose de chouette. Ah oui, c'est vrai, c'est le signe de Julie. Oui, pour une fois, je sais pas comment ça se fait. Ah oui ? Oui, une bonne idée vous promet un grand succès. Mais rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Non mais tu sais que sur RTL ce matin, dans la voiture, j'ai entendu que c'était que de la merde de nouveau. Ah, tu vois, hein, mais parce qu'il faut nous écouter, nous, c'est normal. Voilà, c'est ce que je me suis dit après. Mais oui. C'est comme pour la météo, c'est ici que c'est la bonne. Mais voilà, les Lions. À votre santé fragile en ce moment. Les Vierges. Attention à ne pas agir précipitamment, soyez patient. Prenez le temps. Les Balances. Si vous cherchez le partenaire de vos rêves, sortez ce soir entre amis et allez chasser. Bien sûr, les Scorpions. Veillez à ce que votre générosité et serviabilité, c'est un mot difficile. Oui. Ne sois pas trop exploité. Les Sagittaires. Moins de fast-food et plus de fruits et légumes. Veillez à respecter cette devise et vous verrez rapidement les effets. Les Capricornes. Si c'est possible, reportez votre travail à demain. Ça ne sert à rien. Les Verseaux. Veillez à ne pas blesser votre partenaire lorsque vous lui faites part de vos souhaits. Et enfin, pour finir, les Poissons. Pas de chance en amour, mais de la chance au jeu. C'est déjà ça de prix. Prochain tour avec l'horoscope, ce sera dans moins d'une heure, Doudou, à tout à l'heure. Oui, je reviens, pas de problème. Eh bien, tant mieux. Et puis, restez bien là également, puisque tout à l'heure, on paiera encore une fois votre facture. Ce sera dans 50 minutes. Restez bien là. Si vous voulez vous inscrire, 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. C'est 1 euro par message. On demandait 165 euros pour un stage de circuit moto, 120 euros pour les contributions, 800 euros pour l'entrée à la haute école. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? 900 euros pour l'assurance vie. Bref, on appellera encore une fois évidemment tout à l'heure. Et dans un instant, c'est Christina Aguilera, Jenny in a Bottle. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Christina Aguilera sur Fun Radio à l'instant avec Jenny in a Bottle. Il est 7h23. Bonjour tout le monde, bon réveil à vous toutes et vous tous. Si vous sortez du lit, il est temps maintenant, hein. C'est-à-dire que bon, hein. Ah, parce que nous on est quand même là depuis une heure. Donc, oui, voilà, c'est ça. En plus, temps nous écouter. Plein soleil au-dessus de Bruxelles pour l'instant. Profitez-en. Oui, c'est pas combien de temps ça va durer, mais le ciel est chaud, bleu hein. Et tout. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vois, même en hiver, je préfère qu'il fasse un peu plus froid, mais bon, plein soleil, qu'un peu plus chaud, enfin un peu moins froid, et au final, il fait pas très beau, quoi. Mmh. Bon, tout à l'heure, on aura la petite devinette qui colle. Ça va arriver d'ici quelques instants. Et puis là c'est parti maintenant, hein. C'est parti pour notre ami, vous savez, le mec qui loge devant la radio là. Quoi, le fou ? Oui, l'espèce de débile là. Ah, moi il me fait peur. L'espèce de débile qui rentre là justement, tiens. Sixième LB, Aïnax Scandal. Bon, Toff, c'est quoi ce bordel encore ? Les magnifiques critiques cinéma du magnifique Benzo ! Quoi ? Mais tu rigoles ou quoi ? C'est mercredi, on est lundi, c'est quoi ce merdier ? Vous avez oublié qu'on dort dans le caravane de frères en dessous de Fun Radio, monsieur Mickaël ! Vous nous avez réveillés avec votre dance music, je vais faire scandale ici. Non, bon, Toff, appelle le service du sécu là et fais-moi dégager ces gugus vite fait, non mais sans déconner. Monsieur Mickaël, on va porter plainte contre vous, Fun Radio, moi j'ai tombé à scandale. En même temps, on vous a jamais demandé de venir vous installer avec la caravane familiale juste devant les locaux de Fun Radio, non mais sans déconner. Monsieur Mickaël, arrêtez tout de suite de critiquer. Ok, comprendre. Je ne parlais pas à toi, Robinetto. Oh, ok, comprendre. Bon, calmez-vous, monsieur Benzo. Hein, on va essayer de faire moins de bruit, ça va bien se passer. Oh, ok, monsieur Toff, excusez-moi. Allez, Robinetto, excusez à Mickaël et faites bisous d'Ukraine. Attendez, j'ai mal compris. C'est quoi cette histoire de bisous Ukraine ? Je crois que t'es dans la merde. Allez, laissez-vous faire, monsieur Mickaël. Bon, allez, ça suffit, là. Rentrez chez vous, maintenant, là. On a autre chose à faire. Allez, Robinetto, viens, on retourne dormir. Mais bah voilà, c'est une bonne idée, ça. Et puis dites à monsieur Robinetto de pas oublier de se laver les dents, là, car il y a une petite infection dans le studio, là. C'est pas très agréable, le matin, hein. On en parlait tout à l'heure, justement, tiens. Pourquoi tu crois que j'ai parlé de ces tétifrices, les petites pastilles dans exactement. On va lui en offrir, ça lui fera du bien. Exactement, avec plaisir. On lui offrira tout à l'heure, effectivement. Dans un instant, les infos, et puis je vous poserai la petite devinette qui colle, c'est juste après la pause. Et après les infos, il y aura aussi David Guetta, Little Bad Girl. Restez là sur Fun Radio, il est 7h25. 7h28 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Les factures, on va les payer dans quelques instants, dans une demi-heure quand même, dans un quart d'heure aussi. Nous aurons l'occasion d'écouter la ligne anti-relou et puis la petite devinette qui colle. C'est un auditeur qui me l'a envoyé. C'est bon, ça fait plaisir ça. Qui me l'a envoyé par mail mikl@funradio.be. C'est un qui suis-je, hein. Donc on dit devinette qui colle quand même. Je vais venir chez toi, te sauter dessus, te pénétrer, tu vas trembler, frissonner, transpirer. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, ça c'est sûr. Non. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, il y a des places pour le parc Astérix qui sont à gagner. Il y a également des jeux vidéo Harry Potter ou Sims 3. Je vous répète la petite devinette qui colle. Je vais venir chez toi, te sauter dessus, te pénétrer, tu vas trembler, frissonner, transpirer. Qui suis-je? Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance tout le monde, on donne la réponse dans moins d'un quart d'heure. Et à 7h29, l'heure de retrouver Julie maintenant avec les infos. Salut à tous, dans l'affaire des enfants retrouvés morts vendredi à Alost, le parquet de Termonde a ouvert une enquête sur d'éventuelles fautes policières. La veille du jour où l'on a découvert les deux enfants âgés de 7 et 8 ans battus à mort, 6 agents s'étaient rendus sur les lieux suite aux plaintes des voisins pour tapage nocturne. Sur place, ils disent n'avoir rien constaté, donc aucune situation dangereuse. Ils ont jugé qu'il n'y avait plus de raison d'entrer dans cette habitation privée. La mère des deux enfants, une néerlandaise de 30 ans, est inculpée de double infanticide et incarcérée à la prison de Bruges. Un homme de 53 ans a tué par balle son épouse de 50 ans hier après-midi à leur domicile conjugal de Plombières. C'est en province de Liège. C'est l'un des fils de la victime qui a averti la police. À leur arrivée, les policiers ont appréhendé le tireur qui n'a opposé aucune résistance. Les raisons de cet acte ne sont pas encore connues. Le couple était marié depuis une trentaine d'années. Des pécules de vacances impayées pendant 20 ans au CPAS de Herstal. Le CPAS doit aujourd'hui payer une grosse somme d'argent à ses agents. Le Centre public d'action sociale ignorait l'existence de la législation qui dit qu'il faut payer des pécules de vacances, mais rembourse aujourd'hui une partie de l'argent qu'il doit à cette vingtaine de personnes, excepté 5 agents qui sont déjà décédés. Le CPAS s'est rendu compte de son erreur l'année dernière lorsque Etias a pris en charge la gestion des paiements des pensions sur son compte. Il fallait s'armer de patience hier pour récupérer ses bagages à l'aéroport de Zaventem et parfois même attendre près de 4 heures. Le personnel qui s'occupe des bagages a mené plusieurs interruptions de travail en fin de journée pour protester contre le manque d'effectifs. Cela fait plusieurs mois que le climat est relativement tendu. Les syndicats ont dénoncé à plusieurs reprises un manque de personnel. À l'étranger, l'ouragan Irène a provoqué inondations et pluies torrentielles sur New York, mais la ville semble moins touchée que prévu. Au préalable, 370 000 personnes avaient été évacuées. La tempête meurtrière a déjà fait 14 morts lors de son passage sur la côte est des États-Unis. Les 3 aéroports de New York fermés à cause de la tempête rouvriront au mieux ce soir. Et selon une étude du gouvernement américain, les États-Unis enregistrent avec cet ouragan une année record en matière d'événements climatiques ayant causé au moins 1 milliard de dollars de dégâts. Enfin en sport, Anderlecht a sauvé un point in extremis grâce à un but de Jovanovic et termine sur un partage, un partout face à Bruges. Et le Standard et Berscott se sont séparés aussi sur un nul, un partout. 7h32 avant l'info en plus, c'est la météo qu'on écoute maintenant. Bonne nouvelle, des courants frais et légèrement instables circuleront sur la Belgique. Mais donc il fait beau pour l'instant. Ça veut dire alternance de soleil et de nuages. Quelques pluies possibles sur l'est du pays. Température quand même assez fraîche, hein. Pas plus de 18 degrés aujourd'hui et demain même temps à prévoir. Ouais, c'est génial, c'est cool. Allez, c'est parti. Fun Radio. C'est l'info en plus qu'on écoute maintenant à 7h32. Alors moi je voulais vous parler d'un implant. Donc Tof ne t'excite pas, ne pense non, pas. Non, ce n'est pas ma mère. Hein. Voilà, exactement. Enfin, c'est un implant ma mère, hein. Pour être bronzé durant 3 mois sans risque de cancer. Et ce qu'ils disent aujourd'hui, parce que bon, évidemment, ils n'ont pas le recul. Hein, alors oui, j'ai pas. Oui, exactement. Donc l'implant stimule la production de mélanine, donc le pigment déterminant la couleur de la peau et le degré de rayon UV que la peau est capable de supporter. Cet implant de la taille d'un grain de riz est placé donc sous la peau et normalement pendant 3 mois, on peut bronzer sans risque de cancer. Par contre, évidemment, il n'y a pas encore d'études assez longues pour le commercialiser parce qu'on ne sait pas encore si ça peut être dangereux ou pas pour la santé. Et puis ça sert à rien de rester avec votre couleur naturelle. Moi, par exemple, je me plains pas de la mienne. J'ai pas de soucis quoi. Le mec il est mat de peau donc évidemment. Je comprends pas pourquoi tu vous. Bah oui, bah non. Moi non plus, je comprends pas. Ah bah non, moi je me cache du soleil pour blanchir, ah bah ça oui. marche pas. Bah évidemment. Et je suis vraiment déçu quoi. À quand une petite pilule pour blanchir? Ah bah oui, bah non mais vrai, c'est vrai. Il y a des crèmes hein, pour blanchir. L'info, ouais, c'est vrai. L'info en plus et l'info tout court aussi reviennent tout à l'heure, ce sera aux alentours de 8h. Et je vous répète encore une fois la petite devinette qui colle. Je vais venir chez toi, te sauter dessus, te pénétrer, tu vas trembler, frissonner, transpirer. Qui suis-je ? Ce n'est pas un moustique, ce n'est pas un microbe, c'est un nom bien particulier, ce n'est pas un virus non plus. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est un truc qu'on a en général une fois par an qui fait quand même bien chier quand même, faut le dire. Ah, pendant une bonne semaine, c'est quand même bien pénible. Ouais. Et puis voilà. Mais enfin, ça fait une semaine de congé, c'est toujours ça de prix. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, des places pour aller au parc Astérix. Si toutefois vous n'êtes pas malade de cette maladie. Ou alors des jeux vidéo aussi, c'est les Sims 3 qu'on vous file toute cette semaine. Ou encore Harry Potter. Au niveau du son à 7h34, le son Dance Floor avec Little Bad Girl, c'est David Guetta sur Fun Radio. Le son de David Guetta sur Fun Radio, Little Bad Girl, 7h37, bon réveil tout le monde. Si vous voulez jouer aussi à Mickaël Réveille la Belgique, il y a des cadeaux évidemment en place pour le parc Astérix, il y a aussi des jeux vidéo Harry Potter et Sims 3. Vous inscrivez au 3044 par SMS, débutez le message par réveil tout simplement, ça me paraît pas mal. Hein. Vous mettez réveil tout simplement, c'est 50 centimes par message. Et puis on vous rappelle dans un instant pour jouer à Mickaël Réveille la Belgique. Le but est simplement d'aller réveiller papa, maman, le frère, sœur, le voisin, bref, en criant Mickaël réveille la Belgique tous les matins sur Fun Radio. Oui, on vous a mis un petit exemple là, sur mickaël.fm. Oui, vous pouvez aller voir le petit exemple sur mickaël.fm et venir aussi discuter avec tous ceux qui sont sur Facebook. Là, il y a Siem qui est dessus, il y a Virginie, il y a Mirko, il y a Marion, il y a Momo également, Mickaël également, Mirko, j'ai déjà dit, il y a moi-même également qui est dessus, bien évidemment, Gwendoline aussi, bref, mickaël.fm, venez. Et je vous avais posé une petite question, la petite devinette qui colle qui m'avait été envoyée par un auditeur qui s'appelle Frédéric. Je vais venir chez toi, te sauter dessus, te pénétrer, tu vas trembler, frissonner, transpirer. Qui suis-je ? On avait proposé la gastro, non, c'est pas ça. Et je l'ai chopé, hein, moi. La température. La gastro ? Non, ah bon. La réponse. Je me dis, oh, mais non, ça mais sent. J'étais malade pendant une semaine, la semaine dernière. Bon, qui est là pour donner la bonne réponse ? Ah oui, je m'en rappelle, oui. Qui est là pour donner la bonne réponse ? Bonjour. Hélène. Hélène, bonjour Hélène. Oui, bonjour. Comment vas-tu, Hélène ? Bah super bien quoi, c'est un super réveil, je me prépare là, je suis dans ma salle de bain et puis je me dis bah pourquoi pas et puis voilà, puis top mon téléphone, c'est un rêve quoi. Eh ouais, mais c'est parce que tu l'as pas vu encore en vrai, c'est pour ça que c'est un rêve. On me dit pas ça assez souvent. Ah oui, c'est normal. Ouais. Bon Hélène, t'as quel âge, t'es dans quelle ville ? Ah là là, j'ai 38 ans et je suis prête tournée. D'accord, c'est pas grave d'avoir 38 ans, tu sais, ça arrive même aux gens bien. Hein. Bah voilà, c'est pour mes petits loulous quoi. Bah voilà. C'est pas grave de l'âge, tu sais, c'est. Y a aucun problème, regarde Julie, 42 ans, elle va bien. Hein. Voilà, exactement. Ouais, j'ai pris, waouh. Elle le vit très bien là. J'ai pris d'un coup pour 10 ans. Bien. Mais tout est assumé, hein. Bah oui, bah tant mieux. Exactement. Bon, Hélène, alors, à ton avis, c'est quoi la bonne réponse là ? Je vais venir chez toi, te sauter dessus. La grippe qui rentre chez nous, qui nous fait trembler, transpirer, c'est horrible quoi, c'est tout sauf marrant quoi. Oui, ça c'est vrai, hein, c'est vrai. D'ailleurs, Julie a eu la semaine dernière. Hein. Ouais, et c'était tout sauf marrant. Il ouais, y a encore un peu de sueur sur le sol. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore un peu de sueur sur le sol. Bah oui, c'est voilà, exactement. Parce que je suis venue suer dans le studio parce que je ne suis pas restée dans mon lit. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bon, et ben bravo à toi, Hélène. Tu fais quoi dans la vie ? Je travaille en banque. Encore ? Dans le secteur c'est bancaire, ouais. Bah ouais, aujourd'hui, apparemment, t'as pas de bol. T'as fait Domi, là. Nadia qui travaille en banque. Non, en fait, Hélène, c'est plus classique, mais je travaille en banque, effectivement. Il y a eu un petit malentendu tout à l'heure avec l'auditrice qu'on a eue. Elle s'appelait pas Cédomi. En fait, elle disait C'est espace Domi. Donc son nom, c'était Domi. Tu vois, comme Dominique, par exemple. Tu vois. Ouais, bah elle a rien dit. On n'y peut rien, nous. Bon, bah en tout cas, je te souhaite une bonne journée, Hélène. Je te fais des gros bisous et puis bon taf. Merci à tout le monde. Bisous à toute l'équipe. À bientôt, bye bye, ciao. Et puis on remettra le couvert évidemment tout à l'heure. On paiera vos factures aussi dans un instant. Et après la pause, on va écouter. Ah oui, cette chanson qui a été faite pour moi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a Julie qui aimerait bien que les gens lui envoient des petits messages d'amour parce qu'elle se sent déprimée aujourd'hui. C'est vrai. 3044, allez-y. Hein. Débuté par Julie. Ouais, allez, PZK. Je suis déprimée, j'ai besoin d'amour. PZK, ça arrive juste après la pub. Restez bien là. La radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con.

Le son de PZK avec Soso à l'instant, c'était Je suis beau, il est 7h53. Bon réveil tout le monde. On écoutera Rihanna dans un instant et je vous rappelle la petite question qui colle là. Vous vous enflammez un peu quand même. Enfin quoique. Combien Rihanna a-t-elle dépensé en une semaine de vacances? On proposait 250 000 euros pour Steve, ce n'est pas la bonne réponse. 1 million d'euros pour Salvatore, c'est là que je disais que vous vous enflammiez un petit peu quand même. On proposait 2,5 millions. Non, c'est une semaine quand même. 230 000 euros, c'est plus. Oui. En une semaine. Mais c'est moins de 250 000. Ah oui, je te confirme. C'est moins de 250 000 et c'est plus de 230 000 quand même. Ça vous donne une petite fourchette. Voilà, il y a des places pour le parc Astérix à gagner et des jeux vidéo Sims 3 ou encore Harry Potter sur n'importe quelle console, celle que vous avez globalement. Et puis voilà, la bonne réponse au 63-22 avec la réponse, c'est 1 euro par message. Bonne chance. Bon, on va rappeler des maisons de retraite, Toff. Oui, oui, parce que là, faut que je m'en sorte. Faut que je m'en sorte. Faut absolument que je trouve, une mère à présenter à ma maîtresse. Parce que bon, c'est vraiment non mais si, depuis le temps que je la balade, la pauvre et tout, que je lui raconte que de la merde, il faut bien que je lui présente non, quelqu'un. C'est quoi. vraiment répugnant, c'est défendre. Attends, je vais faire deux heureuses. Ma maîtresse d'abord qui arrêtera de se prendre la tête et qui aura enfin vu ma mère. Et puis cette pauvre vieille que je vais promener, à qui je vais donner un peu d'affection, du bonheur. En plus, plus personne va la voir. Non, moi, je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Bon, allez, on a appelé tout à l'heure une maison de retraite à Bruxelles où le mec était clean puisqu'il t'a envoyé la gare directe en disant mais vous êtes complètement con quoi, jamais de la vie, on a une éthique nous ici. Donc on appelle maintenant où ça? Nous allons à AB. AB, d'accord, ok, allez, c'est parti, on y va, maison de retraite à AB. Voir si Toff peut avoir une grand-mère à prêter. Auberge Vivier, Centre Saint-Thomas, bonsoir. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai une petite demande particulière. Voilà, c'est-à-dire que je trompe ma femme depuis quelques années maintenant. Et en fait, ma maîtresse souhaiterait rencontrer mes parents. Et vous comprenez bien que je ne peux pas lui présenter mes vrais parents, tout ça, ce serait un bordel dans la famille. Et donc je me disais que peut-être j'aurais pu vous emprunter une de vos pensionnaires pour une après-midi et la présenter à ma maîtresse. Pardon. Non, enfin, après je peux la louer, hein, c'est pas un problème. Si c'est une question d'argent, je peux vous rétribuer pour le prêt de cette personne. C'est une blague. Non, écoutez, non, voilà, je suis assez embêté, donc je savais pas trop comment faire et je me suis dit que c'était peut-être la solution la plus simple. Hein, si vous aviez une dame qui aurait des petits problèmes de mémoire, comme ça, ça justifierait qu'elle ne me reconnaisse pas, elle ne pourrait pas le raconter à quelqu'un d'autre après. Ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Oui, je suis désolée. Mais peut-être que si je ne l'emmène pas, mais que je restais dans la chambre. Non, hein, non, comme non, de non. toute façon, elle ne reconnaît plus personne, moi ou un autre, ça sera pareil. Oui, mais non, il va falloir vous arranger autrement parce que c'est pas possible. Et puis comme ça, moi, je pourrais lui prodiguer un petit peu d'amour, voyez-vous. Oui, non. Voilà, parce que j'imagine que c'est. On est une maison de repos et ça s'arrête bien, monsieur. Hein, j'imagine que ces gens n'ont pas de visite, se sentent seuls. Ben si. Et là, moi, je pourrais leur apporter un petit peu d'affection et je sens que ces gens en ont besoin. Non, hein, je suis désolée. Parce que vous comprenez, toute cette affection que je vais donner à cette petite vieille, c'est autant d'affection que j'aurai en retour sur le parking. Au revoir. Ah, c'était la phrase de trop, hein. Ah, quelle horreur. Elle n'a pas aimé l'affection sur le parking, je ne comprends pas pourquoi. Imagine maintenant, elle va ressasser cette conversation toute la journée en se disant, il y a des dingues sur cette terre, quoi. Mais attends, parce que autant la semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé, là, quand on a appelé, enfin, quand t'as appelé les librairies, là, pour faire ton deal de clope. Ouais. Autant là, c'est pas terrible. Hein. Ouais, non, c'est quand même 100% d'échec là. Ouais, j'avoue que c'est assez. Pourtant, vendredi à la même heure, on était à 100% de réussite. Hein. Ouais, c'est difficile de se faire prêter une vieille. C'est bizarre. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Bon, dans un instant, la réponse à la question qui colle, combien Rihanna a-t-elle dépensé pour ses vacances en une seule semaine? J'ai dit que c'était entre 230 et 250 000. 242 000, c'est plus. 244, c'est plus. 350, bien sûr, c'est trop. 235, c'est plus. 147, c'est moins. Ça vous donne encore une meilleure fourchette maintenant. Oh, avec, ça va, là, il y a des places pour le parc à série, c'est des jeux vidéo, donc les Sims 3 ou encore Harry Potter sur n'importe quelle console. 63-22 pour la bonne réponse. Et dans un instant, le son de Rihanna avec Meltdown. Bah, il faut payer. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est ça, hein. Ça va arriver dans un instant, et puis dans une minute aussi, on fera un tour du côté des infos et on paiera vos factures. Mickaël à la radio. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Moi aussi j'écoute Mickaël à la radio tous les matins, 6h-9h30. En plus, Julie, elle a la voix de ma femme. Mickaël à la radio. Fun Radio. Radio. Mais oui, enfin c'était la semaine dernière. Non, j'ai récupéré. Enfin, j'ai encore. On entend encore. Je vais un peu les bouger. Hein. Mais ça va mieux. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va mieux. C'est Marc Simpson. Pour les informations. 7h58 sur Fun Radio. Dans un instant, on paye vos factures. Vous pouvez encore vous inscrire. Ce sera dans moins de 10 minutes. Donc allez-y. 63-22 par SMS. Débutez votre message par facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Il y a Marie qui a envoyé un message. Tiens, 173€ pour l'électrabel. 123€ pour l'assurance voiture. 91€ pour un passeport. Facture de 2173€ pour le traiteur, pour le mariage le 22 octobre. 850€ pour le mazout chauffage. Bah ouais, ça va arriver là. 800€ pour l'entrée dans une autre école. Bref, si vous voulez participer, on fait le jeu dans moins de 10 minutes. 63,22 par SMS, 1€ par message. Débutez par facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et on vous appelle dans moins de 10 minutes. Fun Radio paye vos factures. Restez bien là. Il est 7h59. Et c'est l'heure de retrouver Julie pour l'info. Salut à tous. Dans l'affaire des enfants retrouvés morts vendredi à Alost, le parquet de Termonde a ouvert une enquête sur d'éventuelles fautes policières. La veille du jour où l'on a découvert les deux enfants âgés de 7 et 8 ans battus à mort, 6 agents s'étaient rendus sur les lieux suite aux plaintes de voisinage pour tapage nocturne. Sur place, ils disent n'avoir rien constaté. Ils ont donc jugé qu'il n'y avait pas de raison d'entrer dans l'habitation. La mère des deux enfants, une Néerlandaise de 30 ans née en Angola, est inculpée de double infanticide et incarcérée à la prison de Bruges. Un homme de 53 ans a tué par balle son épouse de 50 ans hier après-midi à leur domicile conjugal de Plombières, c'est en province de Liège. C'est l'un des fils de la victime qui a averti la police. À leur arrivée, les policiers ont appréhendé le tireur qui n'a pas opposé de résistance. Les raisons de cet acte ne sont pas encore connues. Le couple était marié depuis une trentaine d'années. Des pécules de vacances impayées pendant 20 ans au CPAS de Herstal. Le CPAS doit aujourd'hui payer une grosse somme d'argent à ses agents. Le Centre public d'action sociale ignorait l'existence de cette législation qui parlait des pécules de vacances. Mais le CPAS rembourse aujourd'hui une partie de l'argent qu'il doit à cette vingtaine de personnes. Le CPAS s'est rendu compte de son erreur l'année dernière lorsque Etias a pris en charge la gestion des paiements de pension. Il fallait s'armer de patience pour récupérer ses bagages hier à l'aéroport de Zaventem et parfois même attendre près de 4 heures. Le personnel qui s'occupe des bagages a mené plusieurs actions d'interruption de travail dimanche en fin de journée donc pour protester contre le manque d'effectifs. Depuis quelques mois, le climat est relativement tendu chez Flightcare et les syndicats ont dénoncé à plusieurs reprises un manque de personnel. À l'étranger, l'ouragan Irène a provoqué inondations et pluies torrentielles sur New York, mais la ville semble moins touchée que prévu. 370 000 personnes avaient été évacuées au préalable. Aujourd'hui, 5 millions de New-Yorkais sont quand même privés de transport en commun, ce qui crée la pagaille. Les 3 aéroports de New York fermés à cause de la tempête rouvriront au mieux ce soir. La tempête meurtrière a quand même déjà fait 18 morts lors de son passage sur la côte Est et est attendue aujourd'hui au Canada. Selon une étude du gouvernement américain, les États-Unis enregistrent avec cet ouragan une année record en matière d'événements climatiques ayant causé au moins 1 milliard de dollars de dégâts. Et puis enfin en sport, Anderlecht a sauvé un point in extremis grâce à un but de Jovanovic et termine sur un partage 1-1 face à Bruges. Et le Standard et Berscott se sont aussi séparés sur un nul 1-1. Et en Formule 1, c'est Sébastien Vettel qui a remporté le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. 8h02, l'heure de la météo maintenant. Qui est magnifique, c'est énorme. Pour l'instant, il y a quand même du soleil ici au-dessus de nos têtes, mais des courants frais et légèrement instables circuleront sur la Belgique, ce qui veut dire alternance entre éclaircies et passages nuageux et quelques pluies possibles sur l'Est. Température, c'est pas terrible, hein, pas de maximum à 18 degrés. Et demain, même temps à prévoir. Très bien, bon, bah restez là dans moins de 20 secondes, ce sera l'info en plus. Et on paiera vos factures encore au 63-22. Débutez le message par facture avec tout simplement le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Fun Radio. Fun Radio. L'info en plus maintenant à 8h03. Alors moi je voulais vous parler ce matin de l'étifrice. Alors qu'est-ce que l'étifrice ? C'est ce qui va peut-être remplacer le fameux brossage de dents qui parfois, bah, un petit peu, on n'a pas le courage de se brosser les dents même s'il faut quand même le faire, je le répète, Tof. Donc ces petites l'étifrice, ce sont des petites pastilles à l'effet moussant qui pourraient bientôt donc remplacer le dentifrice. C'est composé de bicarbonate de soude et donc ces pastilles magiques ont le pouvoir de dissoudre l'amas de bactéries qui se déposent sur nos dents et donc elle nettoie. fois en profondeur et blanchissent parfaitement les dents. Ce qui est bien, c'est que ça a l'air déjà bien clean, tu vois. Déjà, dès que t'entends le truc, tu te dis, ça a l'air un peu chelou quand même. Hein. Bah, le dentifrice, il y en a aussi qui est au bicarbonate dessous. Ah ouais, bien sûr, mais ça fait peur, quoi. T'as peur de vite perdre tes dents quand même. Hein. Oui, c'est vrai que moi, je pense quand même que le brossage, ça ne sera jamais. Enfin, il ne pourra jamais le remplacer, mais bon, voilà, c'est une nouvelle. Ouais, je pense aussi. Bon, enfin, bon, en tout cas, ça rassurera tous ceux qui ne se brossent pas les dents en disant maintenant, c'est très bien, maintenant je vais pouvoir me brosser les dents en allant en voiture. Ça va être vachement plus pratique. Tant qu'à faire, moi, ça fait 6 mois que je ne me suis pas brossé les dents, je vais pas recommencer aujourd'hui. Hein. Bah, voilà. C'est ça. S'il a réussi à arrêter, c'était dur. Pas facile. C'est très compliqué. 8h04 sur Fun Radio. Dans un instant, on va payer vos factures. On vous donnera la réponse aussi à la question qui colle. Combien Rihanna a-t-elle dépensé en une seule semaine de vacances? Ça va arriver dans un instant. Justement, on va se l'écouter, Rihanna, maintenant, avec Man Down, comme promis. Et puis les factures, ce sera dans quelques instants. 63-22 aussi pour vous inscrire. Débutez le message par facture. Vous mettez le montant de la facture et l'objet de la facture. Et 3 fois par matinée sur Fun Radio, on vous régale et on paye la facture intégrale. Ouais, tu sens dans la chanson qu'elle est triste, qu'elle a dépensé autant de pognon pour ses vacances. Hein. Mais pourquoi j'ai fait ça? La pauvre, arrête un peu, la pauvre. Elle est blindée. Elle est plus blindée. Et moi, ça me dégoûte, quoi. Ah ouais. Franchement, c'est scandaleux, quoi. Tu dis ça parce que tu les as pas. Probablement, ouais. Oui. C'est sûr. Oui, parce que dans l'absolu, si t'étais aussi blindé qu'elle, je pense que dépenser autant. Jamais je dépenserais que ça pour une semaine de vacances. Mais même si j'étais blindé comme mais elle. Mais non, arrête, il y a des limites aussi quand même. Mais elle, quoi. Quand elle dépense c'est 200 indécent. 000 euros, c'est comme si t'en dépensais 2000, tu mais dis. Mais d'accord, mais c'est indécent. Quoi. Ouais, ça je suis d'accord. Mais bon, bref, il y a Nino qui est là et qui a la bonne réponse à la question qui colle. Combien Rihanna, qu'on vient d'écouter, a-t-elle dépensé en une semaine de vacances? Salut Nino. Salut à tous. Salut Nino. Salut. T'appelles de Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles. Je reviens du boulot, je vous écoute à la radio. Il me semble que c'est 238 000 dollars. Ouais, 225. Attends, c'est quoi? C'est 245 000 euros en une seule semaine de vacances. Donc on n'a pas le prix en dollars, mais enfin ça va être plus ou moins ça. Et donc elle a claqué 225 000 euros pour louer un yacht. Elle a emmené ses potes à Nice, Saint-Tropez, Cannes, Portofino en Corse et aussi en Sardaigne. Et donc elle a fait la fête tous les jours, pardon. Bah la fête et la fête aussi, hein. Jusqu'à 6h du mat. Et apparemment elle dépensait. Amie avec elle, parce que je pourrais m'éclater avec elle. Tu m'étonnes. Bah oui, moi aussi je veux bien. Très bonne amie. Tu m'étonnes. Et elle a dépensé 3370 euros par jour pour du champagne et des repas, bien évidemment. Et donc, elle a aussi dépensé des sommes de ouf pour du champagne Laurent Perrier. Ils ont bu en une seule journée, d'ailleurs. Hein. Et à midi, le lundi, donc, ils avaient déjà bu 12 bouteilles. Et quand ils sortaient, ils prenaient du champagne de marque, évidemment, de la vodka Grey Goose, du Red Bull, etc. Donc, vous imaginez un petit peu la facture. Ah bah, oui, bah ça coûte cher, tout ça. Et bah, cher. Bon, bah, bravo. En tout cas, Nino, c'est gagné. On va te renvoyer chez Toff au standard, ok? Salut, merci. Salut, bonne continuation. Merci, ciao à toi, bye bye. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Oui, ça c'est le moment un petit peu compliqué pour le boss de Fun, c'est toujours c'est l'heure hein, où ça lui c'est va pas. C'est l'heure où commence à trembler. Ouais, 7h10, 8h10, 9h10, on paye vos factures tous les matins sur Fun Radio. Et pour ça, c'est facile, suffit de s'inscrire au 6322, débuter le message par facture. Vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture et nous, on régale. 1950 euros pour Renault Anderlecht. Ah oui, dis donc, cher. 273 euros pour le cadastre, 662 pour le gaz, 18,53 euros pour le cadastre. Ce n'est pas cher, mais je pense qu'il doit y avoir un problème avec la virgule. Ou alors c'est vraiment minuscule. 425 euros, c'est une mensualité pour le prêt maison, 172 euros pour l'assurance maison, c'est Marie-France, 419 euros pour l'électricité. Oh, le répondeur, c'est dommage. Bonjour, même pas de message pour l'accueil. Oui, ce sont des gens qui ont peur d'être reconnus. Bah ouais, bah c'est dommage. Hein. En tout cas, du coup, tu vas pas avoir peur de la... Si, tu vas avoir peur de la facture parce qu'on va pas te le rembourser. Ah ben voilà. Bon, c'était Fun Radio, on t'appelait pour te rembourser ta facture. Mickaël à la radio tous les matins jusqu'à 9h30, c'est dommage. Bon, et c'était combien la facture, Taf? 69 euros. 69, oh, bah, comme par hasard. Ouais, voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça. Je l'ai vu, je l'ai sélectionné tout de suite. C'est ça, ouais. Bon, bah du coup, bah, c'est dommage, tant pis pour toi. Tu retentes ta chance en tout cas quand tu veux. Et tous les autres, comme je le disais, 63-22 dès maintenant. Vous vous inscrivez, débutez le message par facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. C'est 1 euro par message. Et puis on vous rappellera peut-être tout à l'heure, donc pour vous rembourser cash, cette facture. C'est aussi simple que ça. Et puis au niveau du son maintenant, ah, un bon son. Un petit peu vieux, 2006. Mes souvenirs sont bons. Timbaland, maintenant, c'est The Way I Are sur Fun Radio. Ça va s'appeler à l'accent avec lequel tu as annoncé. The Way I Are. The Way I Are. The Way I Are. Yeah. Timbaland, maintenant, sur Fun. Il est 8h12. Bon réveil, tout le monde. Et dans un instant, nous irons faire un tour du côté de l'horoscope avec notre ami internationalement connu maintenant, Doudou. Le son morceau de Timbaland à l'instant. Désolé, je me suis trompé de version. Je voulais mettre la version originale et je suis tombé sur la française. Petite et ça erreur. Fait mal. Ça oui, fait oui, mal. Ça m'a fait un peu mal. The Wear sur Fun Radio, 8h14, c'est l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Ouais, et dans un instant d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 30-44 puisque dans moins de 10 minutes, on va jouer au petit déj service. Cette offre qui va donc faire le tour du studio avec un plateau. Et si vous devinez le nombre d'objets qui resteront sur le plateau après son tour, eh bien vous aurez gagné. Il y a à gagner des places pour le parc Astérix, comme tout à l'heure. Il y a aussi des jeux vidéo sur n'importe quelle console, Harry Potter ou Sims 3. Voilà, comme ça vous savez tout. 30-44, débutez le message par Dej, D-E-J. Bon, Doudou. Oui. C'est quoi cette odeur là? Ah bah j'ai apporté des poids de Wifuette de mon week-end à Ostende. Aïe aïe aïe. Bah, vous ça, êtes sûr genre, que c'est frais là? Parce que j'ai des doutes quand même. Hein. Bah je sais pas trop, moi je n'ai pas très bien compris ceux qui parlaient le poissonnier comme langue étrange. Oui, enfin c'est du néerlandais, Doudou, c'est la deuxième langue. Enfin c'est la. Oui, c'est la deuxième langue ou la première, peu importe. Enfin, ah bref, bon? C'est une langue que tout le monde doit parler normalement, donc rien de grave quoi. Vous voulez goûter peut-être? Non, ça va aller, je suis au régime, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Doudou là. Bon, et puis pas du poisson petit-déj moyen quoi. Ah bon, vous avez tort, hein, c'est oui, bon. Ouais, bah certainement je vais le regretter, mais c'est pas grave, je compte oui, sur moi. C'est goûtu, hein. Oui. Bon, les béliers, on va commencer l'horoscope avec les béliers, Doudou, comme d'habitude. Ne vous laissez pas déstabiliser. Vous savez, vous adapter au changement professionnel. Ça veut dire que je vais être viré? Ça veut dire qu'il faut vous adapter. D'accord. Bon, les taureaux. Alors, c'est une bonne journée pour vous laisser aller et ne rien faire. Alors, remontez la couette et coupez le réveil. Ah bah, bonne idée. Tiens, les gémeaux. Un stupide malentendu n'est pas éclairci et pourrait vous gâcher la journée. Les cancers. Une bonne idée vous promet un grand succès. Les lions. Ah, voilà. Bah oui. Votre santé est fragile en ce moment. Mais attention. Des bonnes idées, alors. Ouais, t'as des bonnes idées hein. Mais moi j'ai plein de bonnes idées, mais vous m'écoutez pas. Ah, ouais. Ça doit être ça. Excusez-moi, Doudou. Les lions, ah, je vous en prie. Hein. Les lions, je disais, votre santé est fragile en ce moment. Les vierges. Attention à ne pas agir précipitamment. Soyez patient. Les balances. Ah c'est oui. Juste après vierge. Hein. Ah oui, c'est vrai. Comme chaque jour. Si vous recherchez le partenaire de vos rêves, sautez ce soir entre amis et allez à la chasse à la cochonne. Ah ben je suis oui, pas sûr que ce soit marqué comme ça, Doudou. Enfin bon, vous avez vu, vous avez discuté avec Toff avant, non? Bah oui, de toute façon c'est son signe. Alors bon. Oui, c'est vrai. On sait bien ce qu'il cherche, hein, le cochon. Vrai. Les scorpions. Alors veillez à ce que votre générosité et votre serviabilité. Oh, c'est dur à dire. Tout hein. Est difficile. Ah ouais. Je devrais pas utiliser des mots comme ça. Ne sois pas trop exploité par les autres. Les sagittaires. Moins de fast-food et plus de fruits et légumes, hein. Veillez à respecter cette devise et vous verrez rapidement les effets. Les capricornes. Alors, si c'est possible, reportez votre travail à demain. Appelez pour dire que vous avez la migraine. Mais voilà, c'est ça. Les Verseaux. Alors, veillez à ne pas blesser votre partenaire lorsque vous lui faites part de vos souhaits. Et enfin, les poissons pour finir. Pas de chance en amour, mais de la chance au jeu. C'est déjà allez ça. Au casino. Eh ben oui, ou pas. Faites attention quand même si vous allez au casino. Hein. Bon, merci Doudou, à tout à l'heure. Bah oui, avec plaisir. Bon, et dans un instant, la déclaration express qui va débarquer sur Fun Radio, comme chaque matin vers 8h20. C'est Sébastien Lop qui fait une déclaration express. Si vous aussi, vous voulez la faire à votre copain, votre copine, votre futur copain ou future copine. 30-44, débuté par déclaration. Et on se fait la parodie de l'émission. C'est le morning sur Fun. J'aimerais trop dès le réveil, m'occuper du morning. Oui, j'aimerais trop. Là. Tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Oui, j'aimerais trop ton réveil. Tu entends que je suis là, ouais. Mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans mon lit. Oui, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non. Le boss ne veut pas, non. Le boss ne veut pas, non. Le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non. Le boss ne veut pas, non. Le boss ne veut pas, non. Le boss ne veut pas. Je t'emmènerai là où tu travailleras.

Non, tu n'aimes pas les poneys, bébé, bébé. Mais si tu me laissais tester, je peux t'avouer qu'enfin ça te ferait kiffer, bébé, bébé, quand je viendrai te la montrer. Voilà, petite déclaration pour toi, Déborah. J'espère que tu auras bien aimé, que ça t'aura touché. Comme c'est mignon. Mais oui, ouais, c'est mignon aujourd'hui. Bah oui, ce non, soir, pas du tout. Aujourd'hui, c'était cosy. Bon, et ben voilà, Déborah, je te souhaite une bonne journée. Gros bisous. Et puis, bah, Nicolas, si tu entends, si tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu le cran d'être avec nous au téléphone, c'est bien dommage. N'hésite pas à nous tenir au courant. Ou Déborah, pareil aussi, tu me fais un petit mail, michael@funradio.be. Je compte sur toi. Gros bisous, Déborah. Bonne journée également. 8h25 sur Fun Radio. Dans un instant, les infos. Mais aussi, pas du tout. Trompette disque. C'est dommage. Il y a Mademoiselle et Mademoiselle Luna. Donc forcément, là, c'est... Enfin, c'est Mademoiselle Luna aussi, mais c'est pas le bon. C'est celui-là qu'on va mettre. Voilà. Eh oui, voilà, c'est le bon maintenant. L'air. Et Julie qui chante par terre. Voilà, ça va arriver dans un instant en cycle info sur Fun Radio. Restez bien là, il est 8h26 et on est là jusqu'à 9h30. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun. Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Fun Radio, on est là tous les matins, il est 8h29. Dans un instant, nous jouerons au petit déj service. Si vous voulez vous inscrire aussi, c'est au 3044 que ça se passe. Vous vous inscrivez en débutant le message par DEJ, D-E-J, tout simplement. Et si vous avez envie de gagner des cadeaux, bah c'est comme ça que ça marche. Bonne chance. Et puis la petite devinette qui colle avant l'info, évidemment, Julie. Oui, normal. Écoute, je t'écoute, vas-y. Alors, qui suis-je ? Je suis humide, mais je suis à l'abri. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, débutez le message par, bah, par rien, par la réponse tout simplement. C'est 1€ par message et on vous appellera peut-être dans un instant pour vous filer les places pour le parc Astérix ou alors des jeux vidéo sur n'importe quelle console. C'est Harry Potter ou encore les Sims 3. Qui suis-je ? Je suis humide, mais je suis à l'abri. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, allez-y. 8h30. Les infos maintenant avec Julie. Salut à tous, un cycliste a été renversé ce matin par une voiture à l'Overval. Il a succombé peu après à ses blessures. L'accident s'est produit peu avant 4h du matin le long de la N5. Le cycliste circulait sans document. Son identité n'a pas pu être précisée. Dans l'affaire des enfants retrouvés morts vendredi à Alost, le parquet de Termonde a ouvert une enquête sur d'éventuelles fautes policières. La veille du jour où on a découvert les corps sans vie des enfants âgés de 7 à 8 ans, 6 agents s'étaient déjà rendus sur les lieux suite aux plaintes des voisins pour tapage nocturne. Sur place, ils disent n'avoir rien constaté. Ils ont jugé qu'il n'y avait pas de raison d'entrer dans l'habitation. Le lendemain, les enfants ont été découverts battus à mort, vraisemblablement par leur mère, inculpée et incarcérée à la prison de Bruges. Et on en sait un peu plus dans l'affaire du meurtre de Xavier Baligan. Xavier, ce Nivellois, retrouvé mort sur un parking autoroutier proche de Nancy le 19 juillet dernier. Il aurait été abattu à l'arme de guerre. C'est en tout cas ce que révèlent les résultats de l'analyse balistique. Il s'agirait d'une véritable donc exécution de sang-froid. La piste du crime liée au grand banditisme est de plus en plus probable. Et des pécules de vacances impayées pendant 20 ans au CPAS de Herstal. Le CPAS doit donc aujourd'hui payer une grosse somme d'argent à ses agents. Le Centre public d'action sociale ignorait l'existence de cette législation qui parle de pécules de vacances. Il s'est rendu compte de son erreur l'année dernière lorsque Etias a pris en charge la gestion des paiements de pension. Ce sont les Belges qui sont les plus souvent ivres ou drogués au volant. Une étude commandée par la Commission européenne démontre que lors d'accidents de la route, les Belges sont les plus nombreux à avoir trop d'alcool ou de cannabis dans le sang. Les hôpitaux ont comparé 2500 échantillons sanguins provenant de 6 pays européens. La Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, le Danemark, la Finlande et la Lituanie. Et puis à l'étranger, l'ouragan Irène a provoqué inondations et pluies torrentielles sur New York. 370 000 personnes avaient été évacuées au préalable. Aujourd'hui, 5 millions de New-Yorkais sont privés de transport en commun, ce qui crée la pagaille. Les trois aéroports de New York fermés à cause de la tempête rouvriront au mieux ce soir. La tempête meurtrière a déjà fait 18 morts lors de son passage sur la côte Est. Enfin, en sport, Anderlecht termine sur un partage, un partout face à Bruges. Le Standard et Berscott se sont aussi séparés sur un nul, un partout. Et en Formule 1, c'est l'Allemand Sébastien Vettel qui a remporté le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le Belge d'Ambrosio a terminé 17e. 8h32 et avant de retrouver l'info en plus, passons à la météo. Des courants frais et légèrement instables circuleront sur la Belgique et ce sera alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Ah ben de la pluie est possible aussi aujourd'hui sur l'est du pays. Température, c'est fraîche hein, quand même, pas plus de 18 degrés. Demain, ben il a fait tellement chaud, ça va nous faire du bien. Mais voilà. C'est ça. Évidemment. Et demain, c'est même temps après. Bien sûr, bien sûr. Fun Radio. Bon, heureusement l'info en plus à 8h33. Eh bien, des scientifiques ont inventé un implant pour être bronzé pendant 3 mois sans risque de cancer. Cet implant Qui le disent, hein, parce que bon, là, pour l'instant, ils n'en savent pas grand-chose encore. Hein, voilà, donc cet implant qui est la taille d'un grain de riz est placé donc sous la peau et l'implant stimulerait la production de mélanine, un pigment donc qui détermine la couleur de la peau et le degré de rayons UV que le corps est capable de supporter. Mais évidemment, il faut d'abord qu'on détermine les effets à plus long terme avant de commercialiser cet implant. Bien entendu, il faut qu'ils vérifient et survérifient. Bien raison. 8h33 sur Fun Radio. Dans un instant, les factures, on va vous les payer évidemment. Et puis, bien sûr, rappel de la petite devinette qui colle, toujours envoyée par Frédéric. Un petit mail qu'il m'a fait. Donc, je suis humide, mais je suis à l'abri. Qui suis-je? Ou que suis-je plutôt? Voilà, ça se trouve plutôt au niveau du visage. Voilà. Et Julie est en train de me la montrer d'ailleurs. C'est vraiment grossière, c'est quand même. Si quand on m'a proposé de travailler avec Julie, j'avais su tout ça, évidemment, je me serais passé de ses services. Là, maintenant, c'est trop tard. Mais... Ah, bah oui, là, celui-là, je suis accroché à mon siège. Allez, une grossièreté, c'est. Et pas qu'au siège, hein. Dégueulasse. Bon, 63-22 avec les bonnes réponses. Il y a des places pour le parc Astérix à gagner, ainsi que des jeux vidéo, c'est Harry Potter ou Sims 3. 63-22, bonne chance, c'est Mademoiselle Luna maintenant, c'est toi, mon toi sur Fun. Le son de Mademoiselle Luna à l'instant, c'était les plus belles fesses de Belgique, hein, Tof, hein. Mais toujours. Les plus belles fesses de Belgique. Elle m'a beaucoup manqué pendant cette semaine. Mais t'inquiète pas, elle va revenir. La mercredi, oui, elle vient à la radio. Elle m'a dit que mercredi, elle venait à la radio. Ouais, je sais. Ouais, Tof est tout. Oh là là, il est au taquet. C'est pour ça qu'il est si excité depuis ce matin. Hein. Mais bien sûr, évidemment. Comme ça, se trémousser dans son lit. Enfin bon. Bon, c'est Mehdi qui est avec nous. Mehdi qui est là pour la bonne réponse à la devinette qui colle ou qui est là pour le jeu? Pour le jeu. Ah bon, pour le jeu. Alors, très bien. Bon, alors, salut Mehdi, comment vas-tu? Bien et vous? Ben ça va bien, ouais, tranquille. T'appelles de Verviers, toi? Ouais. 105.7 pour écouter Fun à Verviers. Ouais. Ah, il est très très éveillé, Mehdi. Très content d'être avec nous. Ben qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis fatigué. Il est tôt là, il est que 8h39. Moi-même, je suis claqué. Ça s'entend pas, mais moi, je suis un peu naze aussi quand même. Bon, Mehdi. Si, ça s'entend. Ah bon, ça va alors. T'inquiète. On va jouer maintenant donc, au petit déj service. Tof va donc prendre son plateau, comme d'habitude, avec 10 objets dessus. Il y a des verres, des tasses, enfin, il y a un peu tout, n'importe quoi. Et il va faire le tour du studio en courant. Et si. Enfin, il va y arriver à faire le tour, hein, ça c'est sûr. Mais à ton avis, combien va-t-il rester d'objets sur le plateau quand il aura fait le tour? Deux. Ça me paraît raisonnable. Oui, mais un peu optimiste quand même. Ouais, pour l'instant, toutes les fois, c'était zéro. Hein. Mais enfin, bon, on sait jamais. On peut toujours dire zéro. T'es sûr que tu dis zéro? Parce que si après il reste deux, je veux pas que tu me dises ouais, mais tu m'as fait rater. Non, c'est pas grave. Bon. Ok. Allez. Bon. Allez. Zéro. Zéro. C'est parti. Allez, c'est parti. On y va, pour l'instant, il reste 10. Je plante mes affaires parce qu'après ça me tombe dessus. 10. Il en a perdu. T'as eu raison de changer, Mehdi. Mais j'y croyais pourtant. Oui. Ça fait du bruit. J'y croyais pourtant. Hein. Mais moi aussi, j'y ai cru. J'étais arrivé jusqu'à Julie, j'avais bien négocié les deux virages. Non, mais ton problème du virage, c'est que tu fais. Virer ton plateau aussi, il reste pas droit. Oui, mais il y a le poids du plateau. C'est qu'il arrive vraiment, il est émerveillé et du coup ça le perturbe. Ça doit être ça. Ça doit être quoi? Émerveillé, ouais. Je t'expliquerai. Bon, bah écoute, Mehdi, malheureusement, c'est perdu, hein, c'est pas grave. Hein. C'est perdu, je suis bête. C'est gagné. Mehdi était très intelligent, il a changé d'avis à la dernière minute. C'est vrai. Bon, mais bravo à toi, Mehdi. Je te renvoie au standard et puis, écoute, à bientôt à Verviers alors. merci. Salut Mehdi, passe une bonne journée, à bientôt. Et nous, on va revenir dans quelques instants avec vous toutes et vous tous en direct, bien évidemment, à 8h39 ce matin, avec dans un petit instant le son de... Qu'est-ce qu'on va se mettre dans un instant ? Y a un truc que t'as envie d'écouter en particulier ? Mais moi, je me ferais bien un Bob Sinclair. Bob Sinclair ? Ouais. Bob Sinclair, c'est ça. Les fleurs de un peu. Hein. Eh ben ça arrive dans un instant. Allez, sur Fun. À la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. h44 sur Fun Radio, on fait un tour du côté du trafic maintenant. Que se passe-t-il sur les routes, Julie ? Il y a un accident sur le 19 Bruxelles à hauteur de, enfin direction de Mons à hauteur de Saint-Guilain. C'est une bande est obstruée, on ne me dit pas laquelle. C'est au kilomètre 67 et puis évidemment ça commence à ralentir. Hein. La rentrée n'est pas très loin sur évidemment le ring de Bruxelles, etc., etc. Bon, dans l'absolu, elle a déjà commencé la rentrée. Pas forcément pour tous les étudiants, mais disons que la majorité des gens travaillent quoi. Ce matin, on sent que ça change là. Ah ouais, ce matin, on prend la voiture alors que d'habitude il n'y a personne sur la route là. T'es blindé. Quoi. Ça y est, on se sent soutenu quand même quand il est 5h du mat. On se sent un petit peu soutenu. Ça y est, c'est plié. Bob Sinclair arrive dans un instant. On paiera vos factures aussi dans un peu plus de 20 minutes. 63-22, débutez le message par facture si vous voulez avoir une chance de vous la, qu'on vous la rembourse. Et puis toujours la petite devinette, la devinette qui colle. Là, toujours personne, Tof, là. Il y a des bonnes réponses. Si, là. Tu as la réponse. Tu as Alberto, 49 ans, de Marcinelle qui est là. On va le prendre dans un instant. On va le prendre dans un instant. Alors avant ça, les petites lignes anti-relou. Ah oui, avec plaisir. Allez. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, on essaye en tout cas. Allez, tous les matins, la ligne anti-relou, c'est à 9h. C'est à 7h, 8h et 9h moins quart. Les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou au 0473 86 0013. On va écouter maintenant notre premier client du jour. Écoutez bien, c'est tous les relous qui ont laissé le message, car vous avez donné ce numéro à un relou qui vous courait derrière ce week-end, peut-être en boîte, dans un bar, n'importe où. On écoute ça maintenant. Ah oui, ça c'est clair. Bonjour, c'est Nicolas. Et pour ce soir, c'est OK. Si tu veux, on se retrouve chez Bruno. Et il a tous les accessoires, t'inquiète pas, il a tout ce qu'il faut. Allez, à plus. Mais oui, allez, à plus. Ça donne envie, disons. Notre deuxième client qui a laissé son message au 0473 86 0013. Salut Robert. Salut. Écoute, je voulais juste que tu poses une petite voix sur la photo de profil que tu viens de voir. Et quelle petite voix. C'est assez bref quand même, hein. Ouais. Petite voix et salut. Ouais, ben, allez, à plus. Allez, salut. Peut-être qu'il l'attend, c'est sur son site de rencontre, tu vois. Ah oui, non, mais oui. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être qu'il l'attend. À mon avis, ça doit être ça, parce qu'il le connaît forcément pas, il l'a vu que sur internet, donc ça peut être ça. Ou sur Facebook, c'est possible. Je voulais que tu puisses imaginer une voix sur ce visage. Oui. Ouais, ben, le visage pas assez fort. La voix. Ah oui, c'est m'étonne. Ce jeune homme. Allez, troisième message, troisième invité de ce matin pour la ligne anti-relou. Salut, ça va ? Ça va. Je voudrais savoir si c'est toi avec qui j'avais rendez-vous en fait aujourd'hui. Voilà. Rappelle-moi si tu peux. Et ben il voilà. Ne sait pas avec qui il a rendez-vous. Ça c'est un champion du monde, ça, le petit winner de ce matin. Tiens, écoute, je sais pas si c'était avec toi ou pas, donc bah écoute, tiens-moi au courant, hein, s'il te plaît. Ça vient quand même. Ce serait bien gentil de ta part. Hein. Des fois que. Voilà. Bah ouais, des fois que, ouais. Bon, qui était là pour la petite devinette qui colle ? C'était Alberto, 49 ans, de Marcinelle. Salut Alberto de Marcinelle. Salut. Comment ça va ? Bonjour à tout le monde. Bon, Marcinelle, on écoute Fun sur 103.5. Oui. Ah oui, bah oui, je te confirme. Enfin, il n'en sait rien, tu sais, il a encore une molette pour régler c'est la fréquence. Vrai. Le vieux poste avec la petite ronde et les petites aiguilles qui bougent. Bon, alors, Alberto, je suis humide, mais je suis à l'abri. Qui suis-je ou que suis-je ? La langue. Eh oui, la langue, bien évidemment. Facile ce matin. Hein. Bah oui, facile. Ouais. J'étais plutôt gentil. Bon, eh ben bravo à toi, Alberto. Tu vas retourner au standard, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ton cadeau rapidos. Ok. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt. Salut, ciao. En fait, c'est bien parce que je dis je t'en prie alors qu'il m'a pas dit merci, tu vois. Je veux dire. Oui. Si, il a dit merci. Non, il a dit ok. Ah, je dis je t'en prie. Je pensais qu'il avait dit merci. Il aurait pu me dire va te faire voir. Je t'en prie. Parce qu'on est comme ça sur Fun, tu vois. On est gentil. Ouvert à tous. On est bon, on est beau. Non, on est bon. Beau, non, ça c'est sûr. Gentil, mais bon, voilà, oui. C'est ça. Bon, allez, petite question qui colle pour enchaîner. C'est la dernière de ce matin. Là aussi, encore, comme d'habitude, les cadeaux. Donc, c'est place pour le parc Astérix ou alors les jeux vidéo qui vont sur n'importe quelle console. C'est Harry Potter. Sims 3. Selon le magazine Closer, pourquoi Benoît de Secret Story 4 s'est fait opérer ? Si vous avez la bonne réponse, allez-y. Selon le magazine Closer, pourquoi Benoît de Secret Story 4 s'est fait opérer? La bonne réponse au 63-22. Il y a donc les cadeaux pour vous à vous filer dans quelques instants. Et on l'avait promis tout à l'heure. C'est maintenant le moment d'écouter le son de Bob Sinclair. C'est Julie qui voulait entendre, comme par hasard. Far la mort. C'est un signe. Bob Sinclair sur Fun Radio à l'instant. Far la mort. Il est 8h51. Bon réveil tout le monde. Et donc, je rappelle la petite question qui colle. Donc, la dernière de ce matin, toujours avec les places pour Astérix à gagner. Et toujours aussi avec les jeux vidéo pour n'importe quelle console, Sims 3 ou Harry Potter. Selon le magazine Closer, pourquoi Benoît de Secret Story 4 s'est fait opérer? Si vous avez la bonne réponse, 63-22 avec cette réponse. On vous rappelle dans un instant en direct pour vous filer les cadeaux. C'est 1€ par message. Bonne chance tout le monde. Et c'est bizarre parce qu'il n'y a que des filles qui répondent. C'est bizarre. Hein. Ouais, ça m'étonne. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est en bas de la ceinture que ça se passe. Ouais. Plutôt, ouais. Voilà, c'est ça. Et plutôt au-dessus des genoux. Voilà, je pense que là on a bien compris où était la zone hein, voilà. Concernée. Bon, donc c'est le retour de la séquence du pervers. Bah, pourquoi tu dis ça? Bah parce que pour appeler des maisons de retraite, pour se faire prêter une mamie, pour la faire passer pour sa mère, si tu veux, il y a un moment, faut avoir un problème quelque part. Hein. C'est pas Julie qui va me contredire. Ah non, je ne te contredirai pas. Voilà. Attendez, non, je peux pas vous laisser dire ça. Moi, j'essaie juste de redonner un peu de vie à ces personnes âgées que tout le monde a oublié, leur famille qui n'attend que leur héritage pour pouvoir oublier complètement ces gens-là. C'est ça. Bon, allez, on appelle. On avait essayé à Abed tout à l'heure. On avait essayé à Bruxelles aussi. Puis là, on va essayer où? À Boussu. Boussu, d'accord. Boussu, okay. Très très jolie ville qui se trouve entre Dour et Saint-Guilain. D'accord, donc, ok. La région de Mons. Tout près de la frontière. Exactement. Bon, c'est parti, on y va, on appelle à Boussu maintenant, maison de retraite, pour que Toff puisse avoir une grand-mère à prêter pour la faire passer pour sa mère, pour la présenter à sa maîtresse. C'est bien ça, j'ai résumé? Tu as bien résumé. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Allez. C'était 100% d'échec pour l'instant. Ouais, j'avoue. Je comprends pas. Ouais, moi j'ai bien une idée. Bon, voilà, bonjour. En fait, je vous appelle parce que j'ai une demande un petit peu particulière. Voilà, en fait, ça va faire 2 ans maintenant que je trompe ma femme avec qui je suis marié depuis 15 ans. Et en fait, voilà, cette personne avec qui je trompe ma femme souhaiterait rencontrer ma mère. Et en fait, j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me louer une pensionnaire de chez vous. Je pense qu'on pourrait... monsieur, franchement. C'est exagéré ce que vous demandez, vous savez. Hein. C'est des êtres humains, c'est pas des objets, c'est pas une voiture qu'on loue. Non, mais je comprends bien que c'est un petit peu particulier comme demande, mais moi je me disais justement que pour ces personnes âgées. Attendez, monsieur, je vais vous passer ma responsable. Oui, je vous remercie. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça a coupé le truc? Ah bah bravo. Ah bah oui, ça a coupé. Ah bah bravo. Donc ah on a fait bravo. Croire, je te passe la responsable et bah en fait tac, je te laisse. Bah oui, je donc sais c'est pas. Un échec en fait. On bah peut dire. Écoute, ouais. Oui, je pense que c'est un échec total. Ah bah oui. Échec total et échec cuisant, bravo Toff. Mais pas mal quand même l'excuse, je vous passe la responsable et puis je vous raccroche au nez. Mais oui, c'est ça, voilà. Voilà, comme ça au moins c'est rapide. Hein. Moi je trouve ça pas mal du tout comme excuse quoi. Eh bah ouais, c'était pas mal. Elle s'en sort plutôt bien. Ouais, elle s'en sort même plutôt vraiment bien. Ah même, oui, petite comme dire. Ça, hop là, petite révérence et ça y est, c'est plié. Hein. Effectivement, bon tant pis, on mettra le couvert dès demain avec d'autres idées. Si vous avez des idées d'ailleurs hein, pour Toff, hein, n'hésitez pas, toff@funradio.be, c'est bien ah, ça oui. Ah oui. Ou sur mikael.fm, c'est encore plus facile comme ça. On se fait le son de Mika maintenant. Avec elle me dit 8h54, bon réveil, bonjour tout le monde. Dans un instant les infos, on paiera vos factures et on aura la réponse à la question qui colle. Ah, il faut voir Julie en train de chanter, tu vois. Non mais ça met la pêche quoi cette. Elle me dit danse. C'est pas très compliqué en même temps les paroles, c'est, là, ça, c'est sûr. Mika à l'instant sur Fun Radio. Dans un instant on va vous payer vos factures évidemment. Et puis toujours la petite question qui colle, on donnera la réponse aussi selon le magazine Closer. Pourquoi Benoît Secret Story 4 s'est fait opérer? Si vous avez la bonne réponse 63-22, qu'est-ce qu'un mec en bas de la ceinture peut-il bien vouloir faire gonfler? Voilà, c'est plutôt ça, parce que certains partent sur autre chose en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, il y en a effectivement qui partaient plutôt sur les fesses, donc non, c'est. Pour moi, cette partie est un peu trop petite pour lui. Voilà, c'est du côté face hein, que ça se passe, hein, pas du côté pile, hein, que ce soit clair. Oui. Donc voilà, comme ça, vous savez, qu'est-ce qu'un mec peut avoir comme envie, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, 63-22, il y a des places pour Astérix à gagner, il y a également des jeux vidéo pour n'importe quelle console, pour Harry Potter ou encore les Sims 3, ça va arriver dans un instant, tout comme Ina également. Ça va arriver après les infos, il y a Club Rocker sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Il est 9h sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. Dans un instant, la réponse à la question qui colle. Et bien sûr, je vous paierai vos factures. Mais avant ça, les infos avec Julie. Salut à tous, on en sait un peu plus dans l'affaire sur le meurtre de Xavier Balligan. Xavier, ce Nivellois, retrouvé mort sur un parking autoroutier proche de Nancy le 19 juillet dernier. Eh bien, il aurait été abattu à l'arme de guerre. C'est en tout cas ce que révèlent les résultats de l'analyse balistique. Il s'agirait d'une véritable exécution de sang-froid. La piste du crime liée au grand banditisme est de plus en plus probable. Et dans l'affaire, cette fois, des enfants retrouvés morts vendredi à Alost, le parquet de Termonde a ouvert une enquête sur d'éventuelles fautes policières. La veille du jour où on a découvert les corps sans vie des enfants âgés de 7 à 7 ans, 6 agents s'étaient rendus sur place, déjà pour une plainte de tapage nocturne. Ils disent n'avoir rien constaté arriver à l'habitation et donc ne sont pas rentrés sur les lieux. Le lendemain, les enfants ont été découverts, battus à mort, vraisemblablement par leur mère, inculpés et incarcéré à la prison de Bruges. Et des pécules de vacances impayées pendant 20 ans au CPAS de Herstal. Le CPAS doit aujourd'hui payer une grosse somme d'argent à ses agents. Le Centre public d'action sociale ignorait l'existence de cette législation, mais rembourse donc aujourd'hui une partie de l'argent qu'il doit. Le CPAS s'est rendu compte de cette erreur l'année dernière lorsque Etias a pris en charge la gestion des paiements. Ce sont les Belges qui sont le plus souvent ivres ou drogués au volant. Une étude commandée par la Commission européenne démontre que lors des accidents de la route, les Belges sont les plus nombreux à avoir trop d'alcool ou de cannabis dans le sang. Les hôpitaux ont comparé 2500 échantillons sanguins provenant de 6 pays européens, comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, le Danemark, la Finlande ou la Lituanie. À l'étranger, l'ouragan Irène a provoqué inondations et pluies torrentielles à New York. 370 000 personnes avaient été évacuées au préalable. Aujourd'hui, 5 millions de New-Yorkais sont quand même privés de transport en commun, ce qui crée la pagaille. Les 3 aéroports de New York, fermés à cause de la tempête, rouvriront au mieux ce soir. La tempête meurtrière a déjà fait 18 morts lors de son passage sur la côte Est et est attendue prochainement au Canada. Selon une étude du gouvernement américain, les États-Unis enregistrent avec cet ouragan une année record en matière d'événements climatiques. Et puis enfin, en sport, Anderlecht termine sur un partage. Un partout face à Bruges. Le Standard et Berscott se sont aussi séparés sur un nul, un partout. Et en Formule 1, c'est l'Allemand Sébastien Vettel qui a remporté le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps et le Belge Jérôme D'Ambrosio a terminé 17e. La météo maintenant, cette excellente météo que tout le monde attend avec impatience, tellement elle est magnifique. Mais oui, bonne nouvelle, des courants frais et légèrement instables circuleront sur la Belgique. Ce sera donc alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Des pluies seront même possibles sur l'est du pays. Oh, trop bien, c'est incroyable. C'est température génial. Qui ne dépasse pas, rassurez-vous, 18 degrés. Oh, on n'aura donc pas trop chaud. Ça va. Et demain, tout va bien, même temps à prévoir. Mais oui, magnifique. Dans un instant, c'est l'info qui colle. Fun Radio. L'info en plus, pardon. Dans un instant, on va vous payer votre facture. 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et puis on aura la réponse à la question qui colle. Selon le magazine Closer, pourquoi Benoît de Secret Story 4 s'est fait opérer? Il y avait pas mal de messages sont arrivés, des fesses plus rondes. Non. Benoît qui proposait pour son nez. Non, c'est une partie intime. Voilà, c'est avant d'aller à la plage, il voulait que ça ressemble plus à quelque chose, hein. Donc voilà, il s'est fait une petite chirurgie esthétique, mais qu'est-ce qu'il a fait en particulier? Place pour le parc Astérix et jeux vidéo à gagner au 63-22 euros par message. Bon, j'ai beaucoup parlé, l'info en plus. Alors l'info en plus, c'est que maintenant on va peut-être pouvoir se passer du dentifrice et du brossage de dents. Parce qu'on a inventé les tifrices. Ce sont des petites pastilles. Ouais, des petites pastilles à l'effet moussant qui pourraient donc bientôt mettre le dentifrice au placard. Elles sont composées de bicarbonate de soude. Et donc ces pastilles magiques ont le pouvoir de dissoudre l'amas de bactéries qui se déposent sur nos dents. Elles nettoient en profondeur et blanchissent parfaitement les dents. D'accord. Bon, bah voilà. Bonne nouvelle. Voilà. Bonne c'est... nouvelle pour tous ceux qui ont la flemme de se brosser exactement. Dans le matin. Ça va peut-être sauver ceux qui sentent la laine. Ouais. Bon. Et ça va peut-être voilà, sauver aussi ceux qui bossent avec quelqu'un qui pue voilà, du bec. Exactement. C'est possible aussi, ouais. Bon, ben bah voilà, bonne nouvelle. Moi, je pense que l'important, c'est de passer. Garder l'odeur. Oui, bah bien sûr, oui, c'est plus frais comme ça, effectivement. Bah, oui. Bon, allez, on se met le son de Ina, comme je vous l'avais promis. On paiera vos factures juste après. Le son d'Ina à 9h05, c'est Club Rocker sur Fun Radio. C'était le son. son d'Ina sur Fun Radio à l'instant à 9h08 et Club Rocker. Bienvenue si vous débarquez. Tout à l'heure, on aura encore une fois évidemment l'occasion de jouer avec vous et de payer vos factures. Bah, c'est même maintenant d'ailleurs les factures. Tiens. Allez hop, c'est parti. Les factures, on va les payer dans un instant. On va vous laisser encore une minute pour vous inscrire. Avant ça, on va prendre Magali qui est là avec nous maintenant de Liège. Salut Mag. Magali ? Oui. Ah, Magali qui est avec nous. Comment ça va Magali ? Très bien. T'appelles de Liège ? Plus précisément de Spa. De Spa, d'accord, ok, très bien. Bon, bah en tout cas, c'est pour, si vous écoutez Fun à Liège sur le 99. Et t'écoutes sur quelle fréquence à Spa ? Oh, je ne saurais pas dire, je suis dans la voiture. D'accord, ok, bon, bah ça doit être, bah 99 ou 105,7. Bon, on verra bien. Le principal, c'est que tu nous écoutes, oui. C'est le principal. Bon, tu nous avais appelé, toi, pour la question qui colle. Selon le magazine Closer, pourquoi Benoît de Secret Story 4 s'est fait opérer ? Grossir son pénis. Exactement. Ah, tiens, il trouvait que son sexe était trop petit, donc du coup il s'est dit oh bah et hop, petit coup de bistouri là, je vais faire grossir tout ça. Et bon, attention, ça c'est d'après le magazine Closer. Hein. Oui. C'est pas vraiment, c'est ça effectivement. Mais apparemment. On l'a pas vu. Bah oui, dans certains cas, l'opération permet d'augmenter de 50% la circonférence du sexe quand même. Comment hein. Et oui, et apparemment 3000 euros la facture quand même. Hein. Qu'on remboursera pas. Je pensais que c'était même plus cher en fait que ça. 3000 euros, ça me paraît quand même très peu cher. Qu'on ne remboursera pas non plus. Hein. Que ça, c'est certain. Je tiens juste à préciser. Du coup, maintenant, Julie va y réfléchir pour son mec. Ah, écoute, c'est vrai. Pas du tout, mon amoureux, il est très très bien comme il est. Oh, c'est beau l'amour. J'ai eu peur. L'amour rend aveugle là. Ouais. Non, pas du tout. Jaloux, bande de jaloux. Non, pas du tout. Bon, gros bisous Magali, tu restes au standard, on prend tes coordonnées. À bientôt. A bientôt, au revoir. Salut, à bientôt, ciao, bye bye. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. C'est tous les matins que ça se passe sur Fun Radio à 7h10, 8h10, 9h10. Fun Radio paye votre facture. En l'occurrence, c'est moi, mais avec le chéquier. Enfin, le chéquier, mais enfin avec le fait plaisir, toi aussi. Hein. Voilà, le virement de la radio, tout simplement. Le moment préféré du boss de la radio, d'ailleurs. Parce qu'en fait, il fait 1 euro pour les auditeurs, 1 euro pour lui. Oui, ça c'est pour moi, ça c'est pour le roi. Alors, on a reçu 342,50€ de téléphone. Allô. Ah, allô, oh, bonjour, qui est là ? Ah, ça écoute la radio. Oui. Allô, oui, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'elle écoute mais qu'il ne répond pas. Allô ? Allô ? Ah, allô, bonjour ? Oui, bonjour. Comment tu t'appelles ? Billy. Billy, qui a décroché juste avant, là ? Ma copine, Anaïs. Ah, Anaïs. Ah, Anaïs, donne-moi le téléphone, connasse ! Effectivement, il lui a arraché des mains, quoi. Bon, Billy, sois le bienvenu, c'est Mickaël, je t'appelle pour te payer ta facture. Ah oui, merci. Alors, Toff, elle est de combien la facture ? C'est une somme tellement énorme que je ne m'en souviens même plus. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient d'envoyer un message qui dit « Achat de meubles pour mon premier aménagement avec ma future femme, 10 000 euros ». Non, il faut pas abuser non plus. Hein. Attends, quoi ? Premier de... Ah oui, mais vous avez vraiment rien alors. Ah ouais, bah rien du tout. Hein. Donc, combien la facture, Toff ? 15 euros. Non, c'est une vanne. Tu nous déranges pour 15 euros ? Ah oui. Et quoi ? Qu'est-ce qui C'est quoi la facture ? Tu veux payer quoi avec 15 euros ? Une facture de avec Proximus. Ah, une Pingo ! Facture Proximus. Une carte prépayée. Non, c'est une facture de chez Proximus. Bon, t'as des abonnements aussi, 15 euros, ça existe, ouais. Tu téléphones pas beaucoup, mais ça existe. Bon, écoute, le boss est ravi, hein. Des factures comme ça, mais il va les rembourser tous les jours, hein. Bon, bah écoute, pas de problème, Billy, on va te payer ça, il y a aucun souci, hein. C'est peu, mais nous, après, on n'est pas contraire. Bah écoute, tant mieux, hein. Bah oui, je te renvoie chez Toff au standard, on prend tes coordonnées, on va te payer ça sans problème. Merci. Je t'en prie. À bientôt, Billy. Passe une bonne journée. Au revoir. Merci. Allez, salut à toi. Bon, et ben voilà, bonne nouvelle, elle est pliée, là, ça y est. Ah oui, ça y est, oui. Bah ouais, on remet le couvert évidemment dès demain. Vous avez l'occasion de vous inscrire toute la journée au 63-22, débuter le message par facture. Vous laissez ensuite le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et puis demain, on remet le couvert dès 6h du mat pour vous payer votre facture. C'est tous les matins à 7h10, 8h10 et 9h10. Et restez là aussi dans un instant, je vais vous expliquer comment faire pour tenter de gagner près de 100 millions d'euros avec Fun Radio. Ça va arriver, le temps d'écouter le son d'Enrique Iglesias maintenant, Dirty Dancer sur Fun. Tous les matins, on est là jusqu'à 9h30 et on se fera aussi l'horoscope de Loulou juste après ça. Enrique Iglesias sur Fun Radio, c'était Dirty Dancer et puis nous allons accueillir Doudou maintenant. Fun Radio. Et oui, l'horoscope qui est parti un petit peu à la ramasse, mais il est là. Alors Doudou, bon, qu'est-ce que c'est encore là ? Vous avez pas craché dans le studio quand même là maintenant ? Ah mais non, c'est une huître ! Mais enfin Doudou, il est 9h du mat, par pitié, on mange pas des huîtres à 9h du mat. Il est jamais trop tard. C'est dégueulasse, ça me donne envie de gerber. C'est aussi simple non, que ça. Goûtez, regardez, c'est très bon, ça glisse au fond. Non, de ça la va aller, je veux pas le savoir. Allez, on va se faire l'horoscope. Maintenant, on va commencer par les béliers. Oui, ne vous laissez pas déstabiliser. Non, vous bah savez non. vous adapter au changement professionnel. Mais évidemment, évidemment, évidemment. Mais oui. Bah tout à fait. Bon, les taureaux. Taureaux, c'est une bonne journée pour vous laisser aller. Ne faites rien et laissez-vous masser. D'accord. Les gémeaux. Un stupide malentendu n'est toujours pas éclairci et ça pourrait vous gâcher la journée. Les cancers. Ah, c'est pour moi ça. Une ah, oui. bonne idée vous promet un grand succès. Mais rassurez-vous, comme à l'habitude, personne ne vous écoutera. Ah, ben écoute, merci. Voilà. Les lions. Jetez par la fenêtre. Votre santé est fragile en ce moment. Très bien, les vierges. Attention à ne pas agir précipitamment. Soyez patient. Les balances. Surtout si c'est Julie qui donne les idées. Oui, bah oui. Les balances. Si vous recherchez le partenaire de vos rêves, alors sautez ce soir en toi-mi et partez à la chasse. Les scorpions. Veillez à ce que votre générosité et serviabilité ne soient pas trop exploitées. Les sagittaires. Moins de fast-food et plus de fruits et légumes. Veillez à respecter cette devise et vous verrez rapidement les effets sur votre Goku. Les capricornes. Si c'est possible, reportez votre travail à demain. Les verseaux. Ça sert à rien de se presser de toute façon. Non, c'est mieux, ça c'est clair. Les verseaux. Veillez à ne pas blesser votre partenaire lorsque vous lui faites... Ah oui. C'est dur, oui. Oui, c'est très difficile. Veillez à ne pas blesser votre partenaire lorsque vous lui faites part de vos souhaits. Voilà, et enfin les poissons pour finir. Pas de chance en amour, mais beaucoup de chance au jeu aujourd'hui. Très bien, bon à demain Doudou, et par pitié, pas de nourriture demain. Ah bon? Ah oui, demain non. Ah bon, d'accord. Ah oui, oui, bah, je vous confirme, demain c'est on arrête. C'est dommage, je voulais faire un mafé. Ouais, bah écoutez, ah non, on verra ça l'autre jour. Hein. Bon, la bonne journée Doudou. Hein. Oui, bonsoir, bonsoir. Et, ouais, non, bon, bonjour. Ah pardon, oui, pardon. Enfin, bonne journée à la limite si vous voulez, mais pas ah, bonsoir. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, je m'en sens plus là, moi j'arrive plus à savoir quand c'est le jour et la nuit. Ouais, bon, c'est pas grave. Allez, à demain. Oui, demain. Très bien, et nous on va revenir dans un instant avec vous toutes et vous tous, 9h19 sur Fun Radio, Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock, tous les matins j'écoute Mickaël, j'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Petite voix efféminée quand même hein, chez notre ami Justin Bieber. Enfin, il le fait quand même mieux que toi. Hein. Oh, bah, vite fait. Hein. Bah, vite fait, mais mieux quand même. Bah, non. Voilà, on peut arrêter. Merci. Merci non beaucoup. Pourtant, c'était un essai. J'avais essayé ce matin dans la salle de bain, c'était plutôt concluant. Ah, bah oui, parce que tu étais tout seul, c'est normal. Ouais, peut-être. Ouais. Bon, on a qui avec nous? C'est comment il s'appelle? Il s'appelle Kader. Kader. Il s'appelle De Forêt. De Forêt à Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles, c'est parfait. Salut Kader. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va bien et vous? Eh ben écoute, on va plutôt bien là. Qu'est-ce que tu fais ce matin, un lundi à 9h30? Ben on se lève hein, comme d'hab. Hein. Ah bah oui. On commence bah, d'abord par se lever. Ouais. Ben oui, mais il faut commencer par ça. Il faut commencer par quelque chose. Ah bah oui. Voilà, c'est ça. Bon Kader, tu vas donc tenter de faire le Mickaël réveille la Belgique. Oui. Tous les matins, on prend quelqu'un et le but c'est d'aller réveiller quelqu'un d'autre. Les parents, les frères, les sœurs, le copain, la copine ou alors même le voisin, pourquoi pas. Et de crier tous les matins, Mickaël réveille la Belgique sur Fun Radio. Ça va. Tu vas réveiller qui? Ma sœur. Ma grande sœur. Comment, quel âge elle a? 26 ans. Et toi t'as quel âge? Moi? Ouais. 16 ans. 16, d'accord, ok. Putain, quelle voix. Ah oui, non mais oui. C'est-à-dire que même moi j'ai... Tu vois, c'est... Comment t'expliquer? Elle est célibataire. Ah. Parfait, parfait, tu me la passeras après. Bon bah écoute, on y va. Et elle s'appelle comment ta sœur Kader? Elodie. Elodie, d'accord, ok. Allez, on y va, c'est parti. Donc, tu l'as réveillé. Je coupe la musique, hein, comme ça on l'entend bien. Tu as prévu un petit accessoire avec de l'eau ou pas? Ah, Kader, n'est plus parmi nous. Kader? Juste 2 minutes, j'ai le temps d'ouvrir la porte, comme ça je vais bien la réveiller. On va y partir, mais attends. Oui, parce qu'il fait ça, il fait ça tout en douceur. Mickaël, Raven Fun Radio sur la Belgique. Ah, oui. Ah, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Elle dort encore? Elle dort, hein. Vas-y, vas-y, crie plus fort. Crie plus fort. Mets les mots dans l'ordre. Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Ah, mais secoue. Putain, connasse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeté moi une chaussure. Non, mais quoi, c'est normal, elle se défend. Oh, allez, va lui faire un bisou maintenant. Allez, va lui faire un bisou. Hein, tu lui fais un câlin. Voilà. Et après, tu lui donnes le téléphone, je vais lui dire bonjour. Ouais. Bonjour. Ah, elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte. Ben voilà. Oui, c'est dommage. Bon, bah tant pis. Bon, écoute, c'était bien essayé quand même, même si le premier coup était pas vraiment mis dans l'ordre. Mais bon, c'est pas grave, on ne t'en veut pas, on ne te jette pas la pierre. Il n'y a pas ça, de problème. Ça, était dans la précipitation. Mais oui, mais c'est ça, voilà. L'excitation du moment. Bon, Kader. Un peu décousu. Tu restes chez toi, au standard. On va voir pour les cadeaux. Et puis, bah, la prochaine fois, faut quand même qu'on entende la personne de l'autre côté. Parce que sinon, c'est facile, vous pouvez être dans une pièce tout seul. Et oh, yo, que le con, alors, m'a acheté un truc. Tu vois. Oui, c'est vrai. Faut quand même qu'il y ait une réaction. Donc, ouais, si mais vous... le connasse était quand même très. Ouais, c'est vrai qu'il est sorti très tout seul. Spontané. C'est vrai, c'est vrai. Bon, et ben voilà, très bien. On remettra le couvert évidemment dès demain. Vous toutes et vous tous en direct sur Fun Radio. On sera de retour à partir de 6h. Bonne journée, Julie. Qui va faire quoi journée. Eh ben rien, je vais rien foutre. Je vais rester toute je la journée. Je vais bosser, je vais continuer à travailler. Oh. Bah, attends. Tu vois qu'elle est vénale. C'est l'appât du gain. Ça gagne déjà toujours. Elle gagne déjà la blinde ici. Il faut qu'elle trouve un autre travail. C'est pas vivre avec ce que vous me donnez. Je suis désolée, faut que j'aille bosser ailleurs. Ça, si t'avais pas un train de vie au-dessus de tes moyens aussi. Quelle dalle. C'est ça, hein, c'est parce que tu vas acheter des sacs Gucci tous les Attends, jours. Mickaël, donne-moi ta Mercedes et toi, Top, donne-moi ta maison, ok. Mais donc, ce n'est pas. Ma maison appartient à mes parents. Donne-la moi quand même. Qui ont saigné toute leur vie pour l'avoir. Donne-la moi quand même. Et arrête de dire que j'ai une Mercedes, ouais, c'est pas vrai, la honte. Ouais. C'est une voiture de vieux. Attends, oui, c'est vrai que tu roules avec une BM la semaine dernière. Excuse-moi. Oui, c'était celle de mon pote. Ouais, de non, parce qu'en fait, il a un deal avec un concessionnaire. C'est-à-dire que les voitures que les clients laissent au garage, en fait, c'est lui qui roule avec. C'est pour ça que sa meuf paye son appart aussi. Oui, mais tout le monde paye tout. Mais bien sûr, mais c'est normal. Mais c'est normal. J'ai envie que tu me dis, donne-moi ta meuf, j'ai envie de dire. Finalement, il y a que toi qui fais avoir. Qu'elle me paye aussi ma maison. Il y a qu'elle qui se fait avoir, finalement. Moi, j'aime mon amour. Il faut la rétribuer en nature, par contre. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, allez, la bonne journée, tout le monde. Dans un instant, c'est Lucas. Qu'est-ce qu'il fout alors, il sait quand il même est avec sa nouvelle stagiaire, il peut pas tout faire. Ah bah oui, c'est vrai qu'il peut pas tout faire. Il faut quand même le voir, il est arrivé ce matin avec son t-shirt vert et des lunettes de soleil qui faisaient la tête de sa tête. Bonjour à tous. Il est arrivé là. Problème avec mes lunettes. Ah non, on t'entend mal, tu disais. Vous avez un problème avec mes lunettes. Pourquoi tu mets des lunettes dans le studio? Oui, ça nous pose un problème. Ouais, alors mais avec dehors. Les gros spots qu'on a mais dans les studios spots, de radio. Il y a des lumières qui se battent là. C'est un peu là. C'est l'optimisme, le soleil arrive. Le soleil arrive. J'émerveille tout le monde. Il a besoin de ses lunettes. Ouais, c'est ça. Ok, non, c'est pas ça. Moi, je trouve le t-shirt de Lucas va vachement bien avec son émission. Ouais. We serve the best. Ouais. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai. Belle réflexion. Je ne sais pas ce qui était écrit dessus. Ouais. Pas du tout. Je viens de le prendre. Il y avait un dessin de bière, alors il l'a pris. Voilà, tout de suite. Je l'ai mis au hasard. Bon, allez, passez une bonne journée dans un instant. Le self avec Lucas. Vous faites la prog avec lui au 3044. En débutant le message par self, tout simplement. La bonne journée, tout le monde. La bonne journée. Allez, à demain. Ciao. Il vous manque déjà. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.